Bonsoir à tous et bienvenue pour ce podcast du lundi de Foulia Liga. Au programme ce soir, 18 mars 2019, c'est le centenaire du Valencia Club de Football. Exactement, juste pour le jour du podcast, moi je suis sûr que c'était bien préparé, le 18 mars 1919. Pour m'accompagner ce soir, il est entre Carlos Marchena et Roberto Fabian Ayala, Benjamin Gaucher, bonsoir. Bonsoir. Et notre invité de Valencia Esport, il est entre Pablo Aymar, André Gomez, c'est Paco Alcacer, Alexandre Coquille. Salut François, salut à tous. Alors évidemment, on a contacté le meilleur d'entre nous pour parler du Valencia Club de Football, le plus modéré aussi, on va dire, le moins fou, parce que pour Michel Campos et moi, c'est quand même… Ouais, faut te tempérer quoi. Ouais, là pour, ouais, Alexandre est souvent là pour modérer un peu les débats. Tu m'as envoyé ton 11 de légende. Ouais. Je crois qu'on va commencer par ça. Parce que le Valencia Club de Football, pour expliquer un petit peu, ça vous prend quand on est petit et ça ne vous quitte plus. Et c'est souvent un ressenti personnel sur des choses qu'on a vécues au stade la plupart du temps et qui s'est après développé loin du club pour nous parce qu'on habite en France et que forcément on a une vision qui est différente de celle des valencianistes valenciens. Généralement, on les reconnaît parce qu'ils sont quand même bien, bien dingues sur les bords. J'en suis témoin, j'habitais 3 ans là-bas, donc ça m'a pris aussi. Je vais le mettre sous les yeux parce qu'il y a une densité dans ce 11. Attention. Et tu as même fait réserve. Une petite particularité tactique, tu nous expliqueras plus tard. Alors, je te laisse dévoiler ton 11 et moi, je vais faire le mien pendant ce temps-là. Attends, je le retrouve quand même. Hop. On commence par le gardien de but, Diego Alves. J'ai choisi un gardien récent du coup pour le gardien. Alors pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que il avait le caractère d'un joueur destiné à garder le but de Valence, c'est-à-dire que c'est un mec avec un caractère très très très très fort. Et c'est surtout c'est quelque chose qui lui a desservi sur la fin parce qu'il s'est fait dégager par le club parce que il faisait partie des leaders néfastes qui ont un peu pourri le vestiaire pendant l'ère Paco Ayala, Terán, Prandelli et compagnie. Là, ça l'a poussé dehors. Et moi, ce que j'ai aimé chez ce mec, en fait, c'est que ouais, il avait un caractère un peu trop fort, mais il avait le caractère pour jouer dans ce club. Et c'était pour moi un leader. Et c'était aussi un excellent gardien parce que bon, il n'avait pas un jeu au pied super, mais en gardien de but, on n'en a pas eu comme des beaucoup comme lui. Et donc parmi aussi, mais pourquoi j'ai choisi aussi, c'est parce que c'est évidemment, vous le savez tous, sa capacité à arrêter des pénalties. J'ai plus le chiffre sous la main là, pour moi, ce mec en fait est devenu plus fort que le tireur. En fait, c'est un peu ce que j'ai mis dans l'explication, c'est que quand il y avait un penalty, notamment en Mestalla, le tireur, qui s'appelle Messi, Ronaldo ou un autre, il savait qu'il allait tirer face à un mec qui était aussi fort que lui dans la tête et dans ses dispositions techniques, en fait. Donc, Alves, c'était le mec qui savait analyser la gestuelle, le regard. Il avait expliqué ça. Et de ça, en fait, il choisissait donc le moment où il allait déclencher sa parade, où est-ce qu'il allait aller, est-ce qu'il allait rester à terre, est-ce qu'il allait s'envoler. Enfin, c'était très intéressant à savoir. Et moi, j'ai comparé ça en fait à un western, en fait, un duel dans un western. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, en fait. C'est vrai que je crois qu'il y a 50% d'arrêt sur les tirs au but, sur les pénalties en tout cas. Moi, je l'ai vu dans un match à Mestalla contre l'Atlético de Madrid. Et il en a sorti deux. Il a sorti un de Griezmann en premier mi-temps et un de Gabi en deuxième. Non, celui-là, c'était en 2016, oui. Ouais, c'est ça. Et c'était fou. J'avais filmé les trucs, mais c'était fou. Après, Valencia perd 2-0, je crois, dans un but de Gamero à la fin qui marque. C'est ça, ouais. Et lui, il arrive quand même à en sortir deux. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le stade sait qu'il va les sortir. C'est prodigieux. Tu sais qu'à ce moment-là, il a quand même fait des trucs incroyables. Après, c'était, comme tu l'as dit, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère et qui allait souvent devant la presse après les matchs. C'est ce que je reprochais particulièrement à Palermo, qui n'était pas vraiment capitaine pendant très longtemps. Qui c'est pas son truc. Alors que Tana, ça ne les dérangeait pas d'y aller, et Diego Alves, justement, ça ne les dérangeait pas d'aller à la cara, comme on dit. Moi, j'ai un peu de... point de tristesse en fait de qu'il soit parti, parce que j'aimais beaucoup ce gardien. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens que je suis passé dans l'histoire du club. Et il a un petit souci, c'est qu'il n'était pas complet, c'est-à-dire qu'il avait un jeu au pied quand il arrivait, plutôt désastreux. Enfin, il savait pas dégager un ballon correctement. C'était navrant, mais il a quand même progressé avec Ocho Tonera aux commandes. Il a quand même pas mal progressé, parce que sur la fin, ça ressemblait quand même à quelque chose. Alors ensuite, tu dévoiles ta particularité tactique, ou tu t'attends t'attends après. Bah, c'est l'arrière droit, c'est ça. Ouais. Donc j'ai choisi donc Miguel Angel Angulo comme arrière droit. Alors c'est pas son poste évidemment, mais pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il a déjà joué plusieurs fois ce poste. Hein, pour les pointus du club, il avait notamment joué à ce poste en Super Coupe d'Espagne lors du match aller de Super Coupe d'Espagne 2004 face à Saragosse. Valence avait fait un naufrage ce soir-là, mais Angulo avait joué arrière droit, il a été très bon. Et il a joué arrière droit à plusieurs matchs, en fait, quand il a fallu dépanner ou quand il manquait un titulaire ou autre, et ce mec a dépanné. Alors pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il a du caractère aussi. C'est une donnée qui, pour moi, qui est juste absolument décisive dans les choix de joueurs que j'ai fait. Le mec avait beaucoup de caractère, et c'est aussi un mec qui était ultra polyvalent, en fait. Donc moi, ce que j'ai mis dans mon explication, c'est que c'était un mec qui était polyvalent, ultra polyvalent, dans une période où les techniciens, en fait, utilisaient moins la polyvalence des joueurs. Et lui, il a vraiment incarné à la perfection, parce que lui, au départ, c'est plus un attaquant, on va dire un second attaquant en 9,5. Et il a fini par jouer sur un côté, sur les deux côtés, en ailier, en milieu plus reculé. Il a aussi joué en pointe aussi l'année en 2004, quand Mista, quelquefois, n'était pas là. C'est lui qui prenait la. Et que Juan Sanchez était plus cantonné au banc. C'est lui qui jouait en pointe avec, derrière, juste devant Aymar. Et donc, pour moi, voilà, c'est l'ultra polyvalent qui faisait tout bien, en fait, parce que tu pouvais même le mettre arrière droit. Il était bon, hein, il n'était pas débordé par le mec qu'il avait en face. Et voilà, et moi aussi, ce que j'ai aimé chez Angulo, c'est que ce mec, en 2004, après le doublé, il voulait absolument travailler avec Arsène Wenger. C'est un fan absolu, il faut le savoir, c'est un fan absolu d'Arsène Wenger, ce mec. Et donc, à l'époque, Wenger, bah, c'est le manager, l'entraîneur qui était à la mode. Hein, et lui, il était tellement passionné par ce mec qu'il a voulu, donc, quand Arsenal lui a fait une proposition, il avait refusé Chelsea cet été-là, et Arsenal lui a fait une proposition. Il était hésitant, mais il s'est dit, bah, je vais y aller, moi, à Arsenal. Donc, le 31 août, il passe les examens médicaux, et finalement, bah, au début des examens, il dit, bah, écoute, non, ça ne va pas le faire, je vais rester à Valence. Et donc, voilà, il a retourné tout Arsenal. Valence aussi ne s'attendait pas. Et voilà, ce mec a dit non à Arsenal, qui pourtant à l'époque était le club européen qui sortait d'une saison où il était invaincu en Première Ligue. Il avait le potentiel pour gagner la Ligue des Champions avec Henry. Et en fait, non, lui, il a dit non. Il est reparti à Valence, il a prolongé son contrat de 4 ans, je crois. Et donc, ce que je mets, c'est que Ranieri, qui était juste de retour au club, a dit ça ressemble au retour du fils prodige, en fait. Parce qu'il l'avait déjà connu à son premier passage au club, et c'est un joueur qu'il aimait beaucoup, voilà, et dont il avait besoin, parce que c'est un soldat. Et d'ailleurs, Miguel Angel Angulo a son portrait sur la façade de Mestalla. Mmh. Et il est parti il y a quelques semaines de la cellule de recrutement, plus ou moins poussé dehors par le duo Marcelino-Longoria. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un des plus grands buteurs de l'histoire du club. Je crois qu'il est dans le top 25 des meilleurs buteurs de l'histoire du 25, peut-être 26 ou 27. J'ai vu les stats aujourd'hui, mais je ne peux plus le sortir exactement. Mais c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est que il a plus marqué que Claudio Lopez, par exemple, plus marqué que Juan Sanchez. Il a beaucoup marqué, fait beaucoup de passes. C'est pas le plus connu, ouais, mais ça a été un des plus importants, en fait, parce qu'il avait du caractère. Et voilà, et puis là, c'était un très bon joueur, en fait. Il a eu quelques sélections en équipe d'Espagne, 2 ou 3, je crois, de mémoire. Il n'a pas eu un énorme parcours. Il a été appelé, je crois, là, en 2006-2007, quand il a fait sa dernière très très grande saison. Il a notamment marqué face au Barça. Il avait réussi à. Valence avait battu en février 2007 le Barça. Face à un but d'Angulo, je me souviens. C'était un super match. Et voilà, il a fait 13 ans au club, dont un an après, à Villarreal. Mais voilà, donc. 13 ans au club, et vraiment, ouais, c'est un peu l'historique qui a été oublié, parce que c'était pas très sexy, quoi. C'était pas un joueur très sexy, hein, mais c'est un peu rudimentaire techniquement, mais il faisait tout bien. Voilà. Alors, dans le reste de ta défense, il y a c'est du concret. C'est Ouais, pas, on n'est pas là pour planter des fleurs. ben, du coup, stopper axe droit, donc Roberto Ayala. Voilà, ben, c'est la référence absolue. Hein. C'est le mec. Voilà, c'est l'Argentin qui. C'est comment dire, la force de conviction argentine. Et puis, avec la capacité de défendre prise en Italie, parce qu'il est passé au Napoli en début de carrière, juste après River. On ne le sait pas trop, ça, qu'il est passé au Napoli entre 95 et 98 ou 99, je crois. Après, il est parti à Milan, ça n'a pas trop marché. Donc, après, il est arrivé à Valence où il s'est établi comme homme et comme joueur. Et ça a donné un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Liga, je pense, évidemment, du club. Hein. Oui, je pense que bah, le 4, en plus le 4, c'est un numéro important. Il a récupéré, je crois qu'il y avait le 2 ou le 12, je ne me rappelle Il avait plus. le 12 quand il est arrivé Il y en avait le 12, hein, 2000-2001, c'est il avait ça. le 12 et donc après il a pris le 4 Et le 4, en c'est 2001. important parce que le 4, c'est notamment le numéro de Ricardo Arias, tout simplement, qui est. J'ai jamais. Alors, Ricardo Arias est un défenseur qui a joué 15 ans à Valence. C'est vraiment. Plus de 600 matchs sans compteur, donc c'est un Ouais, c'est historique, un truc, hein. historique. C'est vraiment un historique. Et maintenant, alors il a été pas loin de, il était ruiné. Et maintenant, il est attendu par le club pour commenter les matchs sur la radio officielle. Je l'ai beaucoup croisé. J'ai jamais réussi à me faire signer mon accrède par Arias, pour une petite anecdote. Ça m'en fait plaisir. Mais il est très sympa d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est un peu fou quand il commente Arias. Il est un peu sans filtre. Mais ben, c'est comme Juan Cruz Sol. Même si je pense qu'il y a plus de Arias, c'est plus comment dire. Comme plus Plus estimé sportivement qu'un ouais mec plus comme. esprit sportivement, puis il est plus hableur, et tu vois, il est plus puis alors il y a un truc aussi Arias, c'est qu'il s'est quand même marié à Mestalla. C'est Ricardo Arias, Non, voilà, c'est un c'est type un qui pur est mec du d'accord. cru et ouais, c'est. Voilà, c'est un peu, bah il y a Voro aussi qui est un peu dans ce même idée, même si Voro c'est plus tard, mais voilà, Arias c'est une légende. Donc quand tu donnes le numéro 4, bah, ça donne des. En fait, ça doit se mériter, comme Ayala l'avait mérité, ou alors tu fais n'importe quoi, tu te donnes à Adrián Santos. Voilà. T'as des cas comme Ouais. ça. Je sais plus qui a le 4 cette année. Le 4, Murillo l'avait au départ. Murillo qui l'avait. Ouais, c'est ça. Murillo l'avait. Encore Murillo, ça va, c'était pas trop. Et je crois que Roncaglia l'a récupéré, il me semble. C'est Roncalia, voilà, merci. Voilà, Roncalia va le récupérer. Donc, à lui d'en être digne. Bah pour Et le moment, c'est le cas. à Hein. propos d'un Argentin, il y a un autre Argentin dans ta charnière. Donc, axe gauche, donc Nicolas Otamendi. Donc, il arrivait, lui, à signer en janvier 2014 quand. J'ai entendu Ben faire Je suis vraiment surpris de le voir nommé parce que c'est vrai que c'est un super défenseur. Et je suis pas surpris, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir notifié dans un 11 parce que c'est vrai qu'il est quand même parti comme un senior de Valence, quoi. Je vais m'expliquer. Donc, il a été signé en janvier 2004. On va faire un peu son historique. Il a été signé en janvier 2014, pardon, par Francisco Rufete quand il a fait la grande lessive hivernale en fait, parce que bon, l'équipe marchait pas du tout, elle était mal équilibrée, c'était un bordel pas possible. Il avait dégagé Canales et compagnie, Guardado, les mecs qui voulaient plus jouer, il a recruté énormément. Et donc Otamendi à Porto, le souci c'est qu'Otamendi il avait encore le statut d'extra-communautaire à l'époque, et du coup ils ont dû l'envoyer en prêt au Brésil 6 mois. Pour prendre Vinicius, ils ont besoin d'un attaquant, donc ils se sont dit, bon, on va prendre Vinicius, et comme ça, il prendra le créneau, et Otamendi, bon, on attend la saison prochaine. Et donc ça, il n'a pas trop aimé, parce que lui, il voulait absolument venir à Valence tout de suite, et du coup, ça a donné que, pourquoi est-il parti un an plus tard pour Manchester City? Bah, c'est parce que, bon, il avait un peu il avait une petite dent contre Salvo et Rufete, parce qu'il n'a pas trop apprécié ce faux départ, donc du coup, il l'a gardé dans un coin de sa tête. Et dès qu'on lui a fait une belle proposition, comme City l'a fait, ben, voilà, il s'est barré. Donc ça fait partie notamment des choses pourquoi il s'est barré assez rapidement. Alors pourquoi sportivement? Otamendi, pendant une saison, il a pour moi été le meilleur défenseur depuis Ayala. Alors axe gauche, ok, c'est pas le même secteur, mais c'était axe gauche. Mais pour moi, ce mec, il a eu un niveau absolument délirant. Moi, si j'ai un match à vous conseiller d'Otamendi, c'est le face au Barça au Camp Nou, donc c'est en 2015, donc quand le Valence perd 2-0 au Camp Nou. Mais ce jour-là, Otamendi, la façon dont il défend contre Messi, c'est juste extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est le meilleur match d'un défenseur face à Messi, hors la Juventus en 2017. C'est le meilleur match d'un défenseur central face à Messi. Il a tout compris à comment défendre contre Messi. C'était magnifique à voir. Valence a perdu, mais et après, évidemment, dans sa saison. Il est juste extraordinaire. Enfin, il avait un niveau de jeu. Tu pouvais mettre Mustafi à côté ou une autre personne. Ça allait, quoi. La défense tenait bon. Et lui, il a été énorme. Enfin, franchement, il marquait aussi sur corner, face au Real notamment. Il avait un don de soi aussi. Il a fait un match. Il avait l'épaule complètement explosée. Il a continué, le mec, quand même, à jouer. Je crois que c'était face à Ibar, je crois. Il a une capacité de récupération aussi qui était énorme, c'est-à-dire qu'on l'annonçait blessé pour 2 semaines, le mec au bout de 3 jours il était là, quoi. C'était j'ai jamais vu ça en fait, et pour moi c'est la meilleure saison de sa carrière à Valence, et c'est aussi en fait pour moi rester en fait un espèce de but en fait. Il a tout trouvé comme contexte le club, le contexte global, et puis lui voilà, sportivement il était dans un championnat où on se sentait bien, et surtout la façon de jouer de Valence qui était plus reculée, à attendre, ça lui allait bien en fait pour son style. Parce qu'après, j'ai jamais revu ce niveau de jeu à Manchester City. Non, c'est vrai qu'il y avait Mustafi aussi qui jouait. Oui. C'est vrai que c'est quand même les deux centraux extrêmement bien vendus. Après, le club a un peu mal acheté, on va dire. Notamment ouais. en rapport au double A Aymen Abdennour. Mais en tout cas, ouais, ils se sont bien trouvés les deux, parce qu'après Mustafi, la saison d'après, il n'y avait plus personne. Donc ouais, les deux se sont bien trouvés comme charnière, et voilà. Donc pour les deux en fait, c'est une bulle en fait. Tout allait bien, l'équipe allait bien, tout allait bien. Et du coup, bah, eux aussi, et ça a donné quand même une super charnière. Alors ça a permis à Valence de vendre pour 80 millions en défenseur, ce qui est quand même pas mal. Et voilà. Après, il a quand même fallu quand même quelques années pour trouver, pour remettre la défense en état quand même, parce que c'était sacrément compliqué effectivement. Voilà, donc moi j'ai mis qu'en gros qu'il avait quand même honoré ce maillot sportivement. Après, bon, il est parti un peu en voleur pour Manchester City parce qu'il y avait un gros soif de contrat et compagnie. Mais bon, je pense que ça arrange tout le monde qui part. Parce que, oui, puis en plus, la clause était à 50, il part à 45, je crois, de mémoire. Ouais, c'était. Donc, globalement, ça va, ils sont pas. Ils sont, les deux sont très bien tirés. Donc arrière gauche, bon, on serait pas surpris, hein, parce que c'est des joueurs que j'ai vu jouer, donc que j'ai apprécié. Donc Amedeo Carboni. Carboni, c'est 9 ans au club. Il a été recruté en fin de carrière, il était à la Roma, il est recruté à 33 ans pour venir mettre un peu de coffre dans une défense qui marchait pas trop bien à l'époque. Et donc ce mec, bah, il est devenu titulaire indiscutable et surtout, voilà, il a joué jusqu'à 43 ans, il me semble, je ne dis pas de bêtises. Il a arrêté en 2006 sa carrière sportive. Et voilà, et puis il a été bon. Enfin, à 40 piges, il était bon, quoi. C'est un mec qui prenait vraiment son couloir, qui défendait toujours bien, qui attaquait bien, qui était intelligent, il s'entrait bien, il était complet. Et lui aussi, il s'est trouvé dans un contexte où il était vraiment dans une bulle et tout allait bien. J'ai très rarement vu ce mec être vraiment mis à l'amende par un joueur en face, en fait. Carboni, j'ai eu une photo de Carboni aujourd'hui. Des amis m'ont envoyé une photo de Carboni. Il a pris un petit coup de vieux. Ouais, j'ai vu qu'il avait vieilli. Vraiment, je ne l'ai pas reconnu. Alors, après, bon, il a arrêté à 43 ans, donc nous, on n'a pas encore son image de c'est ça, ouais. Et en fait, il approche de 60 ans, quoi. C'est 53, non ? Il a 53-54, ouais, là, mais ouais. Il approche des 60, quoi. Il a pris un petit coup de vieux, ouais. Et d'ailleurs, par rapport à Carboni, il faut oublier que de l'autre côté, il y avait Anglema, qui n'était pas non plus un… Alors, Anglema, je l'ai mis sur mon banc. Hein. Voilà, c'était ouais, les… Pas, les... Ouais, évidemment, dans le perso, évidemment. Mais il y avait aussi une histoire sur Carboni, c'est un grand amateur d'armes à feu. Oui, oui il avait un pistolet dans son casier. Quand il était dans le sportif l'année d'après, il avait… Voilà. Canizares avait trouvé un pistolet dans un casier paterna, ouais. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il a fait après de ce qu'il a fait. Ouais, mais c'était un gros truc. Et Canizares, je crois qu'il chasse, qu'il fait un truc, il aime les armes, Canizares. Oh, et donc, voilà. c'est pas lui qui découvre le truc, je crois que c'est des joueurs qui disent Santi, est-ce que tu peux venir voir ce que c'est? Et Canizares, il voit le truc, il fait ça, les gars, vous y touchez pas. c'était pas un pistolet en plastique, hein, c'était vrai. Ça et donc, moi, je sais pas ce que ça fait Carbonite, c'est de son quotidien là-bas, mais visiblement, il avait des plans. Alors, Alain Roche m'a dit qu'il avait pas entendu parler de cette histoire. Mais l'histoire est vérifiée. Hein. En fait, ça arrivait, je crois, l'année où il était directeur sportif. Ils ont trouvé l'arme. Donc, exactement, c'est ça. Pour les négociations, c'était pas mal. Ouais, je sais pas trop. en tout cas, c'était une période explosive parce que avec Kike Flores, parce que Kike l'avait un peu mis sur le banc lors de sa première saison, donc ce qui avait aussi fait qu'il avait arrêté sa carrière parce qu'il faisait plus jouer Fabio Aurelio que Carboni. Donc, Et quand il est passé directeur sportif, Kike Flores, bah, il l'a senti passer parce que c'était explosif. Hein, les deux ne pouvaient pas se piffrer. C'était. Ça a aussi conduit en fait à ce que Valence rate complètement sa fin de saison après l'élimination face à Chelsea en Ligue des Champions. Le but des siens, là, à la fin, là, c'est. Le club a complètement explosé en fin de saison à cause de ça. Et les relations entre les deux étaient explosives. Et du coup, ça a mené à Carboni à se barrer parce qu'ils ont dit bon, allez, au revoir. Et Kike, c'était fin septembre 2017, au début octobre, qui se barre. Quoi. Alors, justement, sur le match de. Alors, j'ai un petit flash des matchs de Chelsea. Je crois que les. Il n'y a plus d'équipe française à ce moment-là. Et je crois que Canal diffuse le premier match, le match à Stamford Bridge. Canal le diffuse. Thiago Silva, il met une volée pleine lucarne. Ouais, côté gauche, il met une praline, ouais, c'était magnifique. Ouais. Il a son Drogba. Et le match retour, c'est Morientes qui vous la marque. Ouais, je crois qu'il était sur TF1 ce match retour. Ouais, exactement. Et bon, après, la Valence était complètement. Bah, Valence a été très bon jusqu'au but de Morientes et après Chelsea ouais, avait été cuit. Et puis Essien a. Essien a. Ouais, mais ils allaient en prolongation et Essien les tue dans le temps additionnel. Ouais. Côté droit, voilà, il frappe croisé et voilà. Valence, je crois qu'il y a un fort rebond sur la frappe. Valence était complètement râpé. Mais de toute façon, Valence se serait fait, je pense, sortir, on ne verra pas l'histoire, mais en prolongation, il se serait fait avoir de toute façon. Milieu de terrain, deux Espagnols et. Trois Espagnols et un Argentin. J'ai fait un. Ouais, c'est un mix de. Ouais, t'as juste un Brésilien. J'ai été obligé de faire une petite astuce tactique pour mettre Pablito Aimar, qui est mon joueur préféré à moi. Alors, j'ai pas fait de 4-5-1 ni rien, j'ai fait un 4-4-2 classique. Hein. Donc, du coup, j'ai mis Pablito à droite. Bon, c'est pas son poste, hein, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre. Donc, pour moi, donc, c'est le meneur de jeu à l'ancienne et le 10 moderne, en fait. Voilà, donc, toucher de balle, vision du jeu, jeu de haut but, enfin il avait tout, hein, voilà. Et son souci, lui, c'était c'était le physique. Hein, il a eu beaucoup de blessures musculaires, beaucoup d'absences. C'était très très fragile comme joueur. Et bon, c'est le grand regret que je pense que tout le monde a parce que son premier match face à Manchester United, c'était magnifique. Hein, il y avait clairement le potentiel pour qu'il soit un des plus grands joueurs de l'histoire du club, notamment qu'il prenne vraiment le relais de Fernando Gomez comme 10 et en termes d'impact. Malheureusement, ça a été très sporadique parce qu'il a eu trop de blessures. Quoi. Et voilà, mais moi, c'est mon joueur préféré. Enfin, il pouvait tout faire. Il pouvait même le mettre un peu sur tous les. Il pouvait le mettre aussi en 8, aussi en 10, même sur un côté. Et il faisait tout bien et il a souvent joué aussi donc en 4-5-1 avec Carrou devant. Il était très très bon aussi dans une ligne de 2 aussi devant. Enfin, il était exceptionnel ce joueur. Et donc voilà, donc après ils l'ont remplacé par David Silva qui était parti en prêt au Celta Vigo, Eibar et Celta Vigo. Et voilà, ils l'ont mis en 2006 à la place de Neymar qui est parti donc à Saragosse, puis à Benfica. Donc voilà, donc un petit regret de mon côté pour Neymar parce qu'il a tout gagné avec ce club, mais on l'a peut-être pas oublié, mais on a oublié qu'il avait eu son importance à un certain moment. Et voilà, donc c'est voilà. Notamment, il fait une très bonne dernière saison avec Kike Sanchez Flores. Et voilà. D'ailleurs, je veux juste un truc sur Kike Sanchez Flores, qui est peut-être plus connu en l'extérieur de comme un joueur du Real Madrid, mais c'est un joueur qui a un des plus capés de l'histoire du Valencia Club de Football. Il a aussi joué à Valence, en fait. Moi, quand il avait signé comme entraîneur, je savais pas du tout. Et en fait, ouais, c'est un ancien joueur et voilà, donc qui est aussi devenu donc. Donc joueur et entraîneur par la suite et voilà donc bah, aussi ça s'était mal terminé pour Kike, il a fait deux saisons puis c'était trop pour lui quoi après. Maintenant il est en Chine et il fait accès, je crois qu'il faut aussi sosie officiel de Dr House. Ouais, c'est vrai. Et en Chine il est dans un club un peu en bois quoi. Ouais, il a pris ce qu'il y avait je crois. Et il a pris le chinois, c'est le club où il y avait Drogba, où il y avait Anelka et là je crois qu'il a encore perdu ce week-end dans des conditions assez ouais, bon, ils y vont pour les contrats en or, ils y vont pas pour. Ah oui, non, c'est certain. C'est certain qu'ils y vont pas pour. Enfin, il y en a qui y vont un peu pour le projet parce que c'est vrai qu'ils peuvent faire des choses sympas. Mais les trois quarts des entraîneurs, un peu, ils y vont pour. Ouais, pour bon, on l'a quand même bien vendu la Ligue chinoise, notamment il y a 2-3 ans, là, mais on va pas se raconter d'histoire. Ça, sportivement, peu d'intérêt. De toute façon, tout le monde en revient de là-bas, donc. Ouais. Donc, bah lui, en plus, il avait déjà fait des études aux Émirats Arabes Unis avant Rétafé, Oui. avant l'Espagnol. Donc, Donc, sportivement, lui, il on nous a vendu un truc qui n'existe pas. C'est pas le Chinois, de toute façon, je pense qu'il a très, très peu progressé. Même s'il y a la volonté de limiter les étrangers, mais honnêtement, la sauce n'a pas prise parce que personne n'a acheté les droits en France, notamment pour ce championnat-là. Donc, Il n'y avait pas, il y avait pas. Et c'est Fair Sport qui l'avait diffusé à un moment? peut-être, mais ça n'a pas duré en tout cas. Si ça Ouais, dure pas, ouais. c'est que c'est pas, ça marche pas. Ouais, Je sais qu'ils ont fait ils ont fait la première saison. Il me semblait en tout cas qu'ils avaient fait la première saison. Mais ouais, non, ça, bah, après, c'est compliqué. c'est compliqué. Et puis, de toute façon, ils finissent tous par en revenir. Là, j'ai vu que Hulk voulait aller partir aussi. Là, Donc. pour finir la digression, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est un championnat où les clubs disparaissent facilement, ils sont mutés, il n'y a pas vraiment d'assises locales. Les joueurs locaux, c'est moyen. Ils ont tous un gardien chinois. Il y en a pas un qui tient debout. Ça donne des matchs où c'est très offensif. Où, genre là, le Shanghai SIPG avec Hulk. Il y a comment il s'appelle le milieu? Oscar. Et Oscar, Ouais, ils avaient Woulaye avant qu'il arrive à l'Espagnol. Ils avaient une superbe équipe. Mais en face, enfin, ça, il n'y avait personne qui arrivait à répondre. il a vendu. Evergrande, ouais, c'était pareil. C'est trop. Le niveau est vraiment trop trop compliqué. Là encore, ils ont fait monter deux clubs de D2 en D1 parce qu'il y a eu des mutations, il y a eu des rachats. C'est trop compliqué pour avoir Ouais, une c'est vision à long compliqué. terme dans un championnat qui fait que bouger comme ça. Et du coup, je pense que le Japon a pris un peu l'ascendant parce qu'on voit Ouais, Mendieta, largement. maintenant Samper et compagnie, David Villa aussi qui a signé Ouais. là-bas. Bah, voilà, ils ont pris un petit créneau qui n'a pas pris la Chine en fait, je pense. Bah, sportivement, ils étaient meilleurs. Sportivement, le C'était Japon. meilleur et je pense qu'ils ont, même au niveau marketing, Joao Iniesta, il fait toutes les pubs possibles maintenant. Ouais, bah, ils sont avec Rakuten. Après, l'univers Rakuten et Vissel Kobe, ça, c'est pas représentatif de ce qu'est le Japon. Là, ils sont, enfin, le Vissel Kobe et Rakuten, ils sont vraiment dans c'est une bulle où c'est un très gros budget. Quand tu compares la grille des salaires, Iniesta, il est tout en haut, tout en haut, tout en haut, mais loin, loin, loin, il y a un océan. Enfin, c'est Ouais, mais vraiment. en Suisse qu'il fait en fait, et alors que Hulk Oscar, on s'en fiche quoi. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais, du coup, on reprend. vas-y. On reprend donc, du coup, donc dans mon 4-4-2, donc milieu de terrain, donc bah, Dani Parejo. Alors voilà, moi aussi, notamment cet automne, j'étais navré de voir son niveau physique et de son niveau de football. Je pensais qu'il était la saison de trop, quoi. Valence, qu'il avait explosé mentalement. Et non, parce qu'il s'est dès décembre, il s'est remis les idées en place, il est revenu physiquement et. Bah, ce mec, voilà, il a eu du mal quand il est arrivé à Valence, il a eu beaucoup de mal. Et c'est Valverde qui lui a trouvé son poste de 8 au fil du temps. Bah là, il arrive donc bientôt, il aura 30 ans cette année. Et c'est devenu pour moi un des meilleurs milieux de terrain d'Espagne. Et Valence, en fait, Valence dépend de Parejo. Quand Parejo est dans un jour moyen, Valence va rater, notamment, je pense, on l'a vu hier. Valence va par exemple rater une mi-temps sur deux. Et monter en régime souvent c'est une grande période. Souvent la première est ratée, maintenant et la seconde est meilleure. C'est quand Parejo, il met la machine en route. Et là, quand il met la machine en route, ben, il n'y a pas grand monde en fait. Hein. Je vous conseille aussi son match, sa première mi-temps, comme nous face au Barça. C'est magnifique à voir. Hein. Toujours bon comme Nao Palermo. Mais Hein. c'est rigolo avec lui parce qu'il a peut-être touché son pire niveau cette saison. Notamment, il y a le match, je crois qu'il est à l'explosion Oh, contre il y a eu Villarreal. pire. Il y a eu pire. Villarreal, ouais. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très mauvais. Ah, c'était Et oui, c'était mauvais. bizarrement, il a aussi atteint un de ses meilleurs niveaux sur la durée, entre guillemets. Et c'est vraiment intéressant et bien pour lui d'avoir réussi à faire le grand écart et de se maintenir à un niveau de performance qui est Ouais. très élevé parce que cette saison. Marcelino l'a vraiment tenu, entre guillemets, parce qu'à un moment, il était vraiment, vraiment pas là. Il l'a toujours mis, toujours mis, toujours mis. Ouais, il a donné sa confiance au maximum parce qu'il sait quel joueur il est, l'importance aussi qu'il a. Donc voilà, c'est même Coquelin, Kondogbia, tout bon soit-il, c'est de là. Même Soler, hein, ben, aucun n'a le niveau de Dani Parejo, aucun n'a le niveau. Hein, Palermo, il a un truc pour lui, c'est que quand même, il a eu cette capacité mentale à rester parce que moi, je me rappelle de penalty contre, je crois, le Lega ou Alavés. Et Et derrière, pour une fois, il est parlé à une radio après le match. Et il disait, si jamais je le loupe, je sors pas du stade. Et il le oui, c'est sait. quand Valence a joué la descente il y a 2 ans. C'est ça. C'est ça. Et il a. Et sa femme aussi a eu des soucis une fois dans une rue de Valence avec ses enfants, je crois. Enfin, ça avait été il y a 2 ans là quand ça allait mal là. Franchement, c'est vrai qu'il a eu beaucoup beaucoup de patience. Après, voilà, Valence, il est titulaire, indispensable sportivement. Il sait qu'il est indispensable sportivement, il n'est pas bête. Hein. Il sait que sans lui, c'est pas pareil. Il a quand même un bon contrat. Il pourrait peut-être avoir mieux ailleurs, mais ailleurs, on peut dire les deux équipes qui l'ont sollicité en Espagne, c'est Sevilla. Il y a 3 saisons, il a failli partir d'ailleurs. Il avait réfléchi à partir. Et Barcelone aussi, qui a souvent, parce que Valverde l'adore, hein. C'est Valverde qui l'a créé, Parejo. Le vrai Parejo de maintenant, c'est Valverde qui l'a créé. Donc, je pense qu'il y a toujours cette volonté de Valverde de le récupérer, parce qu'au Barça, il ne ferait pas tâche, hein, même si les supporters du Barça n'en veulent pas. Je le vois sur Twitter, c'est pas le niveau du club selon eux. Ben, moi, je pense qu'il a le niveau pour le Barça et même pour être titulaire, voyez-vous. Mais voilà, il ne fait pas le pas parce qu'il sait très bien que cirer le banc une fois sur deux, une fois sur trois, ben, t'en fiche, quoi. Ben, lui, ce qu'il veut, c'est être titulaire, jouer, faire son truc, et peut-être en équipe d'Espagne. Et qui a été appelé en sélection d'Espagne, c'est Parejo. Donc, il a un créneau à prendre pour l'Euro 2020. Donc, il a tout intérêt en fait à rester à Valence. Et tant que Marcelino est là, enfin, tout va bien pour lui en tout cas. Donc, il a pour moi atteint un niveau et une importance sportive qui est d'un côté, je pense, un peu effrayante parce que sans lui, on l'a vu à Krasnodar au match retour. Sans lui, c'est pas pareil parce que Valence n'a aucun contrôle du jeu sans lui. Surtout qu'ils ont tendance un peu à se replier en ce moment parce qu'ils aiment bien s'appuyer sur leur solidité défensive. Et sans lui, c'est pas pareil. Donc pour moi, donc, il fait partie aussi des mecs que j'aime voir jouer parce qu'il a une qualité de passe pour casser des lignes, jouer sur les côtés, dans l'axe, jouer une touche de balle ou alors vraiment juste même un maxi de touches. Enfin, il a une vision du jeu qui pour moi, en fait, franchement, c'est ce qui fait du, je pense, des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du club. Alors, certes, il n'a pas le palmarès, il n'a rien du tout qui accompagne ça. Mais en termes de niveau de jeu, quand il a son meilleur niveau, ce mec, il a la meilleure qualité de passe depuis Mendieta. Oula, oh là là. Ah, si, si, si. Non, mais je ne raconte pas de bêtises. Hein. J'ai vu Mendieta jouer, j'ai vu Parejo jouer. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de passe de Dani Parejo. Enfin, les personnes qui ne regardent pas trop Valence et qui nous écoutent, moi je vous engage à regarder un match de Dani Parejo. Vous allez voir peut-être le pire et le meilleur du joueur. Ouais, c'est vrai. Regardez son jeu de passe, regardez son jeu de passe et comment il oriente le jeu, que ce soit au ras de terre, que ce soit aussi donc en levant le ballon, changement de jeu, direction. Je vous jure, c'est magnifique. Et aussi, c'est un stratège. Hier, au moment d'Akabi, face à Retafe, au moment où il fait un dégagement, il a un ballon qui peut jouer en retrait, qui peut jouer avec le gardien ou son défenseur. Qu'est-ce qu'il fait d'Akabi? Il met une grosse praline en touche. Et Parejo, il arrive vers lui, il lui passe une soufflante. C'est-à-dire que, bon, en gros, c'est mec, tu lui lâches pas un ballon comme ça, alors que tu pouvais jouer avec moi, tu pouvais jouer avec Paulista ou Piccini, l'autre côté, ou Raume. Il avait plusieurs solutions pour jouer derrière et repartir. Lui, il perd le ballon en touche, il s'est pris une soufflante. Donc voilà, donc Parejo aussi, donc il replace ses coéquipiers. Coquelin contre Dogbia, ils se font sans cesse engueuler parce qu'ils sont mal placés. Regardez bien les matchs, hein, regardez bien Parejo. C'est lui qui dispose tout le milieu de terrain. Il demande aux joueurs de descendre, de monter des fois de 2-3 pas, comme ça. Enfin, c'est vraiment observé. On peut peut-être penser que j'exagère en me disant que c'est un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du club. Mais à son meilleur niveau, moi, j'ai pas vu de mec aussi bon que lui. Un problème, moi, je trouve qu'il est trop dépendant de ses 2-6, de son 6. Donc Aussi, peut-être aussi, il a il a peut-être des besoin, problèmes par il a rapport au besoin futur. d'avoir un contexte très très particulier pour être à Ah son ouais, il y a meilleur dedans niveau. tout pour lui, Mais quand oui. il a son meilleur niveau, ce mec, bah, il n'y a pas mieux que lui, quoi. Il n'y a pas mieux que lui. Ah, moi, je trouve qu'il est en difficulté quand son 6 est en difficulté, quoi. C'est un peu le reproche Après, qu'il ce qui dépend de son 6, c'est que le 6 aussi, il y a un souci avec le 6. Donc, Oui, c'est sûr. Avec Enzo Pérez, est-ce quand il était moins bon, Parler était automatiquement moins bon aussi. Hein, donc, c'est un peu. Je préfère quand même voir Coquelin et Kondogbia alors, maintenant. on a un message de Romain Brunel sur Twitter qui a Ah. dit qu'on ne parlait pas du grand Diego Alves. Il a manqué le début Ah, t'as manqué le début, du podcast. Donc, on en parle au tout début, hein, donc de mon équipe type. Romain. Ouais, genre, je voulais dire par rapport à Parler que ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière, j'avais annoncé qu'il serait pris par Luis Enrique. Benjamin est là pour témoigner. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais persuadé qu'il irait tout simplement parce que le match se joue à Mestalla. et que pour la paix des ménages, il valait peut-être mieux que Luis Enrique prenne Palermo, parce que déjà il mérite sa sélection, clairement. Non, il a déjà sportivement, il la mérite. Il y a rien à dire, franchement. C'est ce qu'il fait sur les 3-4 derniers mois. Donc, voilà, c'était pour moi, c'était une évidence qui. Et moi aussi, voilà, il va être important. Ces deux matchs vont être importants parce que pour moi, Parejo, là, il est revenu à son meilleur niveau. Là, pour moi, une carte à jouer, c'est-à-dire que s'il prend le train maintenant, il peut être à l'Euro et être important à l'Euro, je pense. Voilà, mais il faut qu'il prenne le train et qu'il le tienne aussi. Ça ne tient qu'à lui. Après, il faudra qu'il soit régulier toute la saison prochaine. Ça va être très difficile pour qu'il ait vraiment son mot à dire. Mais son créneau, il est maintenant. Son créneau est maintenant. Il faut qu'il prenne. Voilà. Il y aura des regrets, je pense. J'ai un trou. C'est lui qui saute pas. C'est lui qui saute Banega à Valence. Pas forcément parce que. Il y a le 21. À l'époque, il porte le 21 et Banega le 10. Oui, mais Banega, en fait, ils font la saison de quand Valverde le positionne. En fait, ils font les. Ouais. Les deux sont ensemble. Dans le double pivot. Et d'ailleurs, ça marchait très bien. Pour moi, c'est une des meilleures passages de Valverde entre janvier et juste avant le match face à Séville où ils explosent complètement. En termes de niveau de jeu, Valence, c'est une des plus belles équipes que j'ai vues. J'avais un très bon souvenir. Il avait remis de l'ordre dans la boutique. Il avait positionné Parejo et il a trouvé une des meilleures versions de Banega aussi, alors que Banega, il était en mode pas très bien parce qu'il continuait à sortir, à faire la fête. Banega, quoi. Banega, c'est dommage parce qu'on a assez... Séville en fait profite du super joueur qu'il est maintenant et Valence on l'a eu trop jeune quoi. Valence l'a eu trop jeune, Banega c'est dommage. Hein. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, mais on va continuer donc avec Ruben Baraja qui est à côté de Parejo. J'ai pas choisi Albelda, donc j'aurais peut-être dû prendre un 6 parce que c'est l'histoire du club qui veut ça. Mais j'ai pas pris de 6, j'ai pris Ruben Baraja parce que j'adorais ce joueur. C'est aussi pour moi un joueur complet en fait, qualité de passe et sa façon aussi de diriger le jeu qui était très discrète, mais qui était vraiment exceptionnelle. Enfin, il y a aussi une frappe de balle, ce mec. Enfin, pour moi, c'est un des milieux de terrain aussi les plus complets qui est passé par Valence. Et on n'a jamais retrouvé un joueur comme lui. Il avait l'impact physique parce que c'était un beau bébé. Il savait récupérer des ballons, il savait orienter le jeu très rapidement, il savait tout faire. Et voilà, puis c'est aussi lui qui envoie le club en finale de Copa en 2008. Il met le but du titre en 2004 aussi. Il met aussi le but du titre en 2004. Voilà, et puis donc, on va aussi donc, parler d'Albelda, donc je ne l'ai pas mis, mais bon, il est sûrement bon. Voilà, les deux, ça a été la meilleure paire pour détruire le jeu en Liga entre 2000 et je dirais 2007, parce qu'après, bon, ça part un peu en vrille. Et donc c'est que Albelda est dans la charrette de Koeman en 2008. Dans la charrette de Koeman et puis même Baraja, la saison d'après, il commence vraiment physiquement à souffrir et puis petit à petit, la deuxième saison d'Emery, il est sur le banc. Donc voilà, on va dire les trois dernières saisons sont un peu plus compliquées, mais en tout cas entre 2000 et 2007, en termes de niveau de jeu et voilà le duo, en tout cas, c'est vrai que c'est plus un duo qu'un joueur. Albelda, je ne l'ai pas mis, mais bon, il est un peu là quand même. Hein. C'était vraiment un duo de destruction, quoi. Le mec qui découpe et l'autre qui tout de suite remet le jeu, qui renvoie le jeu directement vers les côtés. Et voilà, c'est ce qui a fait la force de ce Valence-là, quoi. C'était sa capacité aussi à rapidement basculer le jeu de l'autre côté. Et c'était grâce à lui. Ouais, moi, je ne sais pas si c'est le plus fort que j'ai vu, mais c'est vrai qu'il est un peu dans le style de Palermo, mais je trouve qu'il est meilleur que Palermo. Mais peut-être parce que j'ai des souvenirs de gamin aussi, j'ai rarement vu un joueur aussi fort. Baraja, il arrivait de l'Atlético en 2000, mais il est bandier là aussi. C'est un joueur qui est emblématique de Valence. Tu te rappelles pas qu'il est. Tu penses même qu'il est de Valence, le mec. Plus personne ne sait qu'il a eu deux clubs avant. Il est Valladolid en fait. Il jouait au club aussi, Ravière. Donc voilà, ils sont de là-bas et voilà, il a écumé un peu les Valladolid, l'Atlético, ça marchait pas et voilà. Et puis il a tenté le Paris Valence, ça. Ça a marché, voilà. D'ailleurs, son tweet, il en parle dans son tweet. Oui, voilà, il a fait le bon choix au bon moment. Voilà, son début de carrière ne marchait pas trop bien. Il est arrivé dans ce club et voilà, il s'est fait comme âme, comme joueur. Et voilà, il a trouvé le contexte parfait pour devenir le joueur qu'il a été. Et il n'est jamais parti, en fait, parce qu'il était trop bien là-bas. Donc, je crois que c'est vraiment mon préféré. Quand même, voilà. Moi aussi, c'est mon joueur préféré. Voilà, côté gauche, Vicente, parce que la meilleure version de Vicente entre donc 2000 et 2004, moi, c'est un des meilleurs ailiers d'Europe. Enfin, je suis vraiment je suis vraiment, comme beaucoup, là, j'ai ce match au Werder là, en Ligue des Champions. C'était fin septembre 2004, là, quand il se blesse à la cheville. C'est la fin de sa carrière, vraiment, hein, parce qu'il a continué après, évidemment, ouais. Il est revenu, mais c'était plus du tout le même joueur, quoi. Il a eu quelques, on va dire, des passages où il est revenu à un petit niveau par moment, et puis ça jamais, sous la durée, ça jamais marché. Voilà, et c'est dommage, parce que le mec, franchement, la saison qu'il fait en 2003-2004, c'est juste exceptionnel. Enfin, il savait tout faire, quoi. Enfin, dévorer son couloir, il était rapide, véloce, il tirait au but énormément aussi, il marquait énormément. C'est un joueur qui a énormément marqué, Vicente. Il savait aussi marquer de très beaux buts. Il faisait évidemment des passeurs, il était excellent. Enfin, il faisait tout, quoi. Et c'était on appelait le poignard de Benny Calap. C'est ça, quoi. C'était un poignard, quoi, ce type. Et c'est une des plus grandes déceptions, en fait, c'est que ce type, en fait, n'ait pas eu la carrière qu'il méritait d'avoir. Il aurait peut-être pu signer au Real, le club que vous voulez. En fait, je suis quand même déçu qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il méritait, en fait, ce mec. Ouais, Vicente qui d'ailleurs vient de partir de la secrétariat technique la semaine dernière. C'était prévu. Hein. Mais oui, là aussi, voilà. Bon, bref, ça c'est du feutré, mais bon, voilà. Compliqué avec Longoria, et c'est vrai que il a une carrière décimée par les blessures. C'est vrai qu'il était monstrueux quand même. En attaque, tu as mis du grand classique et du très efficace. Du classique, bah, j'ai mis du buteur, hein, du mec qui ne serait pas trop devant le but. Donc Claudio Lopez, 96-2000, et David Villa, donc 2005-2010. Voilà, pour moi, les deux meilleurs attaquants de l'ère moderne de ce club. Hein, je pense pas que ce soit discutable, comme, même s'il y a eu des Penev, des Ilié qui ont été très bons aussi, des Vlahovic, mais dans d'autres circonstances. Mais ça, pour moi, c'est les deux meilleurs buteurs, et c'est aussi les attaquants les plus complets qu'a eu Valence, en fait, depuis 25 ans, en fait. Voilà, donc c'est le duo qui n'a jamais eu lieu, parce que Claudio Lopez devait revenir en 2004 après le doublé, en fait. C'était dans les cartons, et finalement, il n'est jamais revenu. Donc c'est aussi des retrouvailles manquées. Villa est arrivé à l'été 2005, en fait. Donc si Claudio Lopez avait re-signé, on ne sait pas si Villa aurait pu signer l'année d'après, mais voilà, c'est le duo qu'on aurait pu avoir peut-être, et qu'on n'a jamais eu, en fait. Donc voilà, donc moi je voulais les assembler, les deux, quand même, dans cette équipe. Je pense que voilà, c'est aussi un petit regret, c'est de ne pas avoir vu ces deux mecs, en fait, évoluer en même temps. Ça aurait été génial de les voir, quoi. Je ne sais pas s'ils auraient été complémentaires, parce qu'ils avaient quand même des styles peut-être un peu similaires, on va dire. Sans trop rentrer dans les détails, mais moi j'ai un petit regret de ne pas avoir vu ces deux mecs jouer ensemble. Ça aurait été génial à voir, je pense. Ah, c'est clair. Mais, Claudio Lopez était d'ailleurs porté la bandier là, du. Moi j'ai vu la. J'ai retouté, aujourd'hui, c'est. Il a toujours la classe. Hein. Ouais. Il a toujours la classe. Et le Guajirilla, évidemment, qui était espéré aussi à un moment quand il est parti dans cette aventure un peu exotique. Et la puissance, toujours espéré qu'il revienne, mais bon, je pense qu'il est beaucoup trop cher pour le club déjà. Même si il a ouvert une académie à Poussol, mais je pense aussi que lui il voulait pas, je pense qu'il a voulu rester sur la première impression, c'est-à-dire que s'il était revenu, en fait, on aurait eu des attentes démesurées par rapport à lui, alors qu'il n'est plus forcément physiquement apte à offrir son meilleur niveau. Donc, oui, moi aussi, je me suis dit, allez chercher ce mec là, il faut les aider un peu devant. Et en fait, bon, c'est intelligent, hein, de sa part. Hein. Il vaut mieux rester sur la première impression que de faire une deuxième apparition manquée, quoi. Claude Lopez, que j'ai eu la chance de voir en premier match à Mestalla en 96. Voilà. Trophée Onalaja contre Flamengo. Et c'est son deuxième match, puisqu'il a, avant le trophée Onalaja, se disputait en deux manches, il y avait une demi. Et ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, j'ai pu le voir, et notamment Luis Milla, Camarasa et Anthony Zubizarreta dans les cas. Luis Milla, qui a aussi été un des joueurs fondamentaux de Valence dans les années, fin des années 80-90. Là, ça a été un milieu de terrain très très important aussi. On parle pas beaucoup, ouais, parce qu'il a fini sa dernière saison. C'était la saison où ils vont en finale en 2000. Je crois que c'était la dernière saison avec le club. Et ça a été un joueur aussi important. Là, mais vraiment, par rapport à d'autres, en fait, il n'est pas connu. Hein, mais il a été aussi important à certaines époques, en fait. Voilà. Ouais, et puis son fils est un bon joueur d'ailleurs. Il devrait commencer en Liga la saison prochaine, je pense. Il jouait à Fuenlabrada, il est parti à Tenerife maintenant. Il est parti au mercato d'hiver la saison dernière et il a annoncé en Liga la saison prochaine. Donc ce sera à suivre, voir si Luis Milla Junior aura l'aura de son père. Alors moi pendant ce temps-là, alors je sais pas, Ben, toi tu t'es fait un petit 11? Pas du tout, je vous écoute. J'en apprends beaucoup. Et c'est... Là, là, on est plus sur la période moderne parce qu'évidemment. Moi, j'ai pris les joueurs que j'ai vu jouer. Hein, les anciens, donc, oui, c'était le but. On ne peut pas trop parce que oui, alors on va faire un petit 11. On va faire un petit 11 historique. On le fera à la fin. On le fera à la fin pour un peu revenir sur, sur l'histoire de Valence, qui a des très grands joueurs. Il y a, en fait, il y a, on peut considérer qu'il y a trois périodes dorées pour le club. La décennie 40, où, où Valence gagne trois Ligas et deux Coupes de. De Coupe d'Espagne, la Coupe Generalissimo à l'époque, parce que c'était le franquisme. La période de tout ce qui est 79, 1982, on peut dire, la période Kempes, avec la coupe du Roi 79, la Coupe des Coupes 80, la Super Coupe 80. Et je crois qu'il y a peut-être une autre Coupe derrière, je ne sais plus. Mais bon, la, voilà, coupe des, la Coupe des Foires, l'ancienne Coupe UEFA, ouais, qui était donc 62-63. Voilà, Valence qui a en gagné d'affilée. Et, le finaliste en 64 aussi. Je crois que c'est contre le... défaite contre le Barça, je crois. Ils battent le Barça en 62. Ah ouais, c'est ça, voilà. Et peut-être, j'ai un trou de mémoire là, je vais regarder. Le Barça, c'est le Barça qui a le plus gagné, qui a gagné trois fois cette coupe. Donc voilà, bizarrement, le Barça ne demande pas à ce que ces coupes-là soient annulées, contrairement aux 5 premières Champions du Real. Mais ça, ouais. C'est un autre débat. Oh, ça va, on peut envoyer. Donc, Valence, donc, j'ai le palmarès. Donc, Valence 62, bah, Barcelone. Donc, 6-2 à Mestalla, un partout, comme nous. Le Dynamo Zagreb la saison d'après. Donc, 2-1 et 2-0. Et ils perdent contre Saragosse l'année d'après, ah, 64. Voilà, donc, là, par contre, c'était sur un seul match, par contre, 64. 2-1 à Camp Nou, en match unique. Voilà. Ah oui, donc, c'était, ouais, c'est parce que match au Barça. Alors, le mien de 11. Alors, que j'ai vu, donc, évidemment, Santiago Canizares. Pour des raisons évidentes de charisme et de pain et de d'ongle peint en vernis. Canizares, il a tout. Il a la dégaine déjantée. Il a ses problèmes de dépression qui le rend terriblement humain alors que c'est un Golgoth. Il y a son fils qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'une leucémie. Enfin, ouais, comme joueur et comme homme, en fait, il ne peut pas mieux représenter Valence, alors qu'il n'est pas de Valence. Il a une vie en dehors du sportif qui est. Avec la bouteille de parfum, ça n'arrive qu'à lui. Qui est absolument dramatique d'un côté, parce que ouais, la perte de son fils l'année dernière, mais c'est absolument horrible. Enfin, j'étais tellement de peine pour lui. Enfin, ouais, c'est clair que ça. C'est horrible. C'est vraiment battu contre la maladie et finalement qui est parti. Enfin, j'ai beaucoup de peine pour lui parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et moi, ça m'a vraiment définitivement attaché à ce mec parce que même s'il a eu. Il a toujours aussi été bienveillant envers le club, même s'il a, quand il a été consultant pour la Cadena Ser, il était un peu critique, mais il était critique, je pense, dans le bon sens en fait, parce qu'il aime ce club et j'ai beaucoup d'affection pour ce mec parce que c'est un mec qui n'a pas de Valence. Mais qui lui aussi en fait et c'est devenu une ville d'adoption pour lui en fait. Ouais. Alors il a été, pour ceux qui savent pas, il a été 5 mois là avec le Celta Vigo. Il a joué au Real Madrid et puis après il est arrivé à Valencia et puis il y a aussi ses larmes à San Siro après la finale perdue contre le Bayern. Et même Oliver Kahn dans un des, ouais, des rares gestes de bonté et d'empathie de sa carrière qui est allé quand même le consoler. C'est pour moi la mèche la plus forte de 2001, c'est l'arme de Canizares. Non, mais il est en larmes comme jamais, je pense. Et Oliver Kahn qui va aussi le consoler, alors qu'Oliver Kahn, mais c'est pas le genre. Hein. Ouais, c'est quand même très fort parce qu'Oliver Kahn, pour moi, c'est le prototype du robot, du gardien allemand robot. Et le voir s'accroupir et consoler Canizares, c'est les images les plus fortes que j'ai vues, je pense, dans le suivi de football que j'ai pu faire. C'est voir ce de Golgoth en fait pleurer et l'autre venir le consoler, quoi. C'est voilà, moi c'est une image qui m'a énormément marqué en tout cas là, déjà à l'époque et encore aujourd'hui quand je vois l'image je me dis mais Oliver Kahn c'est pas possible. Ah mais tu sais que ce match là je peux pas le revoir, autant la finale de demi tu la perds 3-0, il y a rien à dire. Alors là, je te jure, je me rappelle de ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie. Non, moi c'est mon pire souvenir aussi. Je peux pas, je peux, c'est impossible. J'ai des collègues qui étaient au stade à San Siro et je veux même pas savoir ce qui s'est passé dans leur tête, quoi. Surtout que Cagnetti, il sort le en penalty en première période. Patrick Anderson, il sort le deuxième de mémoire. Non, il sort le premier. Il sort le premier. C'est le deuxième qui passe, celui d'Effenberg. Ah oui, c'est sûr, oui. Effenberg qui est en deuxième. Mais c'est Carboni qui loupe. Zlatko Zaovic, comme quoi ça, avoir ZZ dans ses initiales, ça sert toujours. Et Flaco Pellegrino qui rate le dernier. Bon, Flaco Pellegrino, c'est différent. Puis Zahovic, il en mange une aussi en prolongation. Je pense que Zahovic, je pense qu'il n'a pas été appelé pour les fêtes du centenaire. Je pense que tu vois, en plus, tu vois, il était à la fin de l'alphabet, donc on fait oh là là. non, c'est bon. C'est vrai qu'il a fait qu'une saison en Valence, Zahovic. Il avait été recruté parce que voilà, il sortait de l'Euro 2000 où il avait été, c'était un des meilleurs joueurs. C'était le joueur à la mode et c'est vrai que son passage à Valence n'a pas été très, très, très abouti. C'est vrai que sa finale est symptomatique de son passage, c'est-à-dire qu'elle est ratée. Alors que lui, il était censé amener cette petite touche de folie qu'on n'avait plus le club depuis le départ de Mijatović. Et il l'a pas apporté, c'est dommage. Ouais, l'appellera Mijatović. Il y a une opération. Alors Mijatović a souvent été cité comme étant un traître parce qu'il avait dit que jamais il ne partirait au Real Madrid. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il part au Real Madrid et il gagne la Champions la saison d'après. Mijatović, je l'aurais mis volontiers dans mon équipe type parce que c'était, je pense, un des meilleurs joueurs qui a évolué à Valence. Mais je ne l'ai pas vu jouer, moi. Dans une époque où je ne suivais pas trop le foot. Donc je n'ai pas pu le voir jouer, donc du coup, je ne l'ai pas mis. Mais en tout cas, je vous conseille d'avoir les vidéos de Mijatović à Valence. C'était magnifique. Enfin, c'est le maître du lob. C'est magnifique à voir. Hein. Il n'a jamais eu ce niveau au Real après. Il n'a jamais retrouvé ce niveau qu'il a eu à Valence. Et pour moi, ses meilleures années de footballeur, c'est à Valence. Enfin, c'était un des meilleurs. En plus, il avait une position un peu hybride. Il était entre 8-10, pas encore tout à fait devant. Enfin, c'était un peu bizarre. Et ce mec a mis un nombre de lobes absolument extraordinaire. Enfin, je vous conseille d'aller voir sur YouTube son passage à Valence. C'est magnifique à voir. Comme lob, il y avait celui qui est le plus connu d'un des lobes, c'est celui de Claudio Lopez contre Atletico. Ouais, aussi, ouais. D'ailleurs. Alors, ma défense. Côté gauche, Enrique Romero. Bon, allez, oui, c'était personnel, donc comme je m'appelle Romero, du coup, ça me fait plaisir de penser à quelqu'un de ma famille dans l'équipe. C'est absolument fou, hein, des Romero, il y en a en Espagne. Il a signé aussi au Déport. En fait, il fait partie du Super Déport après qu'il est champion et qu'il est en Ligue des Champions. Donc il a fait sa carrière là-bas, Enrique Romero. Il est beaucoup plus connu pour son passage au Déport qu'à Valencia, mais voilà, comme ça me faisait plaisir de penser à quelqu'un de ma famille qui joue à Valencia Club de football. Donc voilà. À droite, évidemment, le grand Jos Langloma, que j'ai eu la chance d'interviewer à deux reprises. Qui est extrêmement sympathique et puis en plus voilà, c'est toute la grande époque de Valence, il est là quoi. Donc, il arrive en 97 et c'est le premier français à évoluer à Valence, en fait c'est le tout premier français à porter les couleurs de Valence. C'est un des rares qui s'est imposé ouais, et aussi il est allé finir sa carrière là-bas et puis lui aussi en fait il est devenu titulaire, en fait il est devenu ultra important, donc il a aussi marqué son époque en fait. Lui et Carboni, en fait c'est les deux latéraux de la finale de 2001, et ces mecs là en fait il a fallu les déloger quand même, parce qu'ils ont été là très vieux et ils ont été très bons très vieux en fait, et c'est lui qui a donc amené donc ce petit élan français à Valence en fait, donc c'est le pionnier, donc il est forcément on ne peut que citer son nom dans des équipes types ou dans les souvenirs de gens importants. Il fait partie intégrante de l'histoire de ce club. Exactement. Et après, est-ce qu'il y a eu des Français qui ont si bien réussi que lui? Il y en a qui ont eu des bonnes périodes. Jérémy Mathieu, faut citer. Mathieu, il a eu sa petite importance à un moment donné. Ouais, on peut dire quand même qu'il a quand même réussi à Valence, Mathieu. Il y a pas. Oui, il a réussi à Valence, oui, clairement. Il a réussi à Valence, clairement. Clairement à deux postes, à trois postes d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il a à un moment joué ailier, donc c'était. Joué ailier avec Jordi Alba derrière. Jordi Alba qui a un peu oublié qu'il a joué à Valence, mais il y a quand même Valence qui est un club qui a un petit peu compté pour lui quand même. Après, il peut faire le blog. Mais il s'est fait dégager du Barça parce qu'il était trop petit. Mais Valence l'a récupéré, l'a formé, l'a envoyé chez les pros. Bon. Je peux pas dire qu'il était très. Alors pour le coup, il y a des joueurs qui sont applaudis quand ils reviennent à Mestalla. Joaquin, par exemple. Joaquin est toujours applaudi. Les gens se lèvent pour lui. J'ai un autre joueur en tête, mais j'arrive plus à retrouver son nom. Mais il y a des joueurs que ça passe pas du tout. Canales, ça passe pas. Lui, ça passe pas non plus. Alba, parce que il faut avoir une sorte de reconnaissance du ventre un peu, et ces joueurs-là n'ont pas toujours eu ou n'ont pas eu du tout. Donc, généralement, quand il y a des anciens joueurs et tout qui ont marqué le club, mais qui se sont sentis redevables, ça s'est toujours très bien passé. Donc, en fait, il faut savoir. David Villa, quand il est revenu au Barça, a été applaudi. Alcacer, ça fait courir. Par exemple. En fait, il faut savoir partir du club, en fait. Partir du club, ça, c'est possible, mais il faut savoir en partir, je pense, avec classe, quoi. Et la plupart des joueurs qui sont partis du club avec classe, qui n'ont jamais fait chier personne, désolé d'être grossier, ils ont toujours été bien accueillis en retour. Donc voilà, donc il faut savoir être, je sais pas, avoir un peu de quelques principes en fait. Bah, Alba, voilà, Banega, très bon exemple, Banega. Banega, voilà, il est mal parti du club et puis je pense que le club aussi a eu assez de patience avec lui. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est arrivé à Valence beaucoup trop jeune en fait, et maintenant qu'il a 30 ans et qu'il est mature, ben oui, forcément, c'est un capitaine, il est capitaine à Séville, c'est un référent, c'est un très bon joueur, et voilà, Valence a profité sportivement de lui à une bonne époque, mais n'a pas profité en fait de lui en tant que référent, donc c'est dommage. Ah oui, c'est vrai qu'on préfère en 11 des gens qui sont mal partis. Il y a Isco, qui est très mal parti. Ouais, aussi, ouais. Ah, si vous voulez savoir un petit peu pourquoi j'ai du mal avec Isco, ça part de là, hein. Je me suis jamais caché, mais bon, voilà. Je pense qu'en plus, pour le coup, je pense qu'il aurait. Je pense qu'il serait bandier là à Valence sans problème, mais vraiment sans aucun problème. Isco était amené en fait à prendre la succession de Daymar Silva. En fait, c'est un vrai 10. Et voilà, il a jamais été. Voilà, il y a des soucis avec Unai Emery. Ça a donné donc qu'il parte à Malaga. Savoir qu'il a été formé à Valence, Isco. Il était en Andalousie quand il était jeune. Valence l'a récupéré très jeune, il l'a formé, il l'a amené donc chez les pros. Après, bon, il est parti donc en 2010. Il joue un match de coupe, il marque. Il part en 2011. Il part en 2011. Voilà. Il fait ses débuts en 2010 et donc il part en 2011 donc pour Malaga. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi c'est important de mettre des clauses aux joueurs, la clause était à 6 millions et c'est l'année où Malaga est racheté et donc Malaga veut récupérer des joueurs de la maison. Et donc, il voit que Isco il est très bon et donc à 6 millions, ils le prennent. Et lui, il signe et derrière, il dit que lui, c'est un. Il est de Malaga et qu'il n'a jamais été pour Valence, tout ça. Donc, du coup, il part très mal. Et celui qui le lance, les autres, Unai Emery, encore un type qui est mal parti de Valence. Et en fait, c'est marrant parce que généralement. Il était là hier, Unai Emery. Il était oui, à Mestalla. Ouais, le commentateur de Bein, je ne sais pas qui c'était, mais il n'a pas compris, en fait. C'est assez rigolo. Puis il est là, il est là pour observer. Non, je pense qu'il était surtout invité par le club. Il était invité par le club pour les festivités. Et puis. Donc, aussi, je crois que son fils joue toujours en équipe de jeunes, il me semble. Lander est gardien de but chez les jeunes à Valencia. Et je crois que je me demande si le fils de Phil Neville n'est pas toujours. C'est Gary, pas possible. Phil Neville joue au rugby. Il me semble que ses enfants ont joué toujours à Valence ou un des deux. Je crois qu'il a un de ses garçons qui joue encore dans l'équipe de jeunes, il me semblait, parce qu'il a. Alors, si vous voulez une petite anecdote, le fils de Phil Neville jouait au Valencia, au Tecnidex Valencia, un club de rugby, et il était dans la même équipe que le fils de Nuno Espirito Santo. Donc, donc voilà. C'est le fils, donc c'est Nuno qui a conseillé à Phil de mettre son gamin au Tecnidex, sachant que dans les gros clubs à Valence, t'en as quatre, Tecnidex et Abelles qui se partagent les terrains de Coatlicalele, si t'as le CAU, qui est mon club, au Turia et le Tatami. Voilà. Si vous voulez faire un peu de rugby, il y a 8 clubs de rugby à Valence, hein, c'est pour l'anecdote. Reprenons. Alors, je vais juste partager deux joueurs avec toi, je pense, dans ton 11. Ayala, parce que je ne vois pas comment on peut ne pas mettre Ayala. C'est impossible. Donc, on ne va pas revenir dessus, mais bon, Valence à la recherche du successeur d'Ayala depuis des années. Certains y pensaient que Adil Rami serait capable, mais non, Adil Rami. Celui qui s'en est le plus rapproché, comme je le dis, c'est Otamendi. Oui, ça t'avait dit, ouais, je pense. Sans aller jusqu'à dire qu'il n'a pas triomphé, Non, il a eu ça, il a été bon. Il est mal parti aussi, mais il a été bon. En tout cas, pendant deux saisons, il a quand même eu un bon niveau. Surtout la première saison, mais il a quand même eu un niveau plus qu'acceptable, Adil Rami. Franchement, j'en ai pas un mauvais souvenir, en tout cas sportivement. Il y a cette passe qui donne. Il a mis un lob lui aussi, d'ailleurs. Un lob contre Liagos Terra, je crois, en Copa. C'était fin 2012, il met un magnifique club. C'est le plus beau but de sa carrière, il me semblait. Il met une bicyclette contre Genk qui tombe sur la barre en Champions. Et surtout, il donne une passe décisive à Soldado contre l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si tu te rappelles de une sorte d'ouverture de genre mais 40 ou 50 mètres et volée de Soldado. J'ai un petit trou de mémoire là sur ce but-là. Mais 2009 ou 2000 ou 2009. Non, et ça fait un partout, je crois. Rami, bonne période. Je trouve qu'il a été meilleur à Séville, mais très bon. Ouais, il a une bonne période. J'étais très content quand il est parti de Lille à Valais, ça, j'étais très content. Le binôme de Ayala, Carlos Marchena, hein, un peu de tendresse dans ce monde de brut. Voilà, il est champion du monde, voilà, et en plus, voilà, lui, il a tout. Puis il a joué, il pouvait jouer. Le terrain aussi. Non, ouais, ouais, il pouvait jouer milieu défensif. Voilà, c'est vraiment, lui aussi, il symbolise vraiment ce qu'est le Valencia Club de football. Voilà, c'est un peu. Beaucoup de courage, lutter. Voilà. Des fois, ça manque un peu de finesse. Mais surtout vers la fin, c'est un peu compliqué aussi pour lui. Le valencianisme aussi une cause, hein, quand même. Hein. Donc, on va faire un peu plus long, je pense, le podcast ce soir, parce que quand même, c'est important. En partant de nos 11 persos, on remonte un peu l'histoire du club. Mais c'est vrai que ouais, le valencianisme, c'est quelque chose, pour le dire grossièrement, voilà, c'est un état d'esprit. Moi, je dis souvent que ça ressemble beaucoup à Marseille, dans la folie des supporters. Ce sont des ports, ce sont des clubs. Il faut mouiller le maillot. Mouiller le maillot, ça veut tout et rien dire, parce que tu peux mouiller le maillot et être une grosse quiche. Mais voilà, il faut être digne du maillot que tu portes. Quoi. Souvent avec Ben, ça, parce que je pense que Ben, il s'endort là. Mais là. Il y a des clubs comme ça où. Ben, t'es bien placé, puisque t'es à Marseille. Valence, c'est pas des clubs. C'est pas là l'image que j'ai, en tout cas, c'est pas un club qui recrute des stars, mais c'est un club où quand tu es au bon endroit au bon moment et que tu te sens bien et que tu t'épanouis dans ce genre d'ambiance, tu peux devenir un très très grand et avoir peut-être du mal à partir ou quoi, mais c'est vraiment un club qui peut te transcender, te faire atteindre un niveau que tu n'aurais peut-être jamais eu ailleurs. C'est un club qui tire les joueurs vers le haut, parce que c'est un club exigeant, il y a la fission qui est exigeante. Donc les mecs vont se démultiplier, parce qu'il faut, c'est un club où, si tu ne réussis pas dans ce club, tu vas avoir du mal à réussir, je pense, un peu plus haut. Donc c'est un club vraiment qui est important pour les joueurs, pour savoir où est-ce qu'ils se situent dans l'échelle, en fait. Est-ce que j'ai ce niveau-là? Est-ce que je peux jouer plus haut que Valence? Est-ce que je dois viser plus bas que Valence? Parce qu'il y a des joueurs qui ont été formés à Valence, Michel et compagnie, notamment Michel Herrero, je parle, qui étaient de bons petits joueurs pour Etafé, pour Valladolid, mais pas pour Valence. Quand ils jouaient à Valence, ça n'allait pas, ça marchait pas. Il y avait Robert Ibanez aussi, qui était un bon petit joueur, et lui aussi, c'était pareil. Le peu de chance qu'il a eu à Valence, ça marchait pas. C'était un peu trop pour lui. Donc voilà, c'est un club qui est à la frontière, en fait, entre le très très haut niveau, donc je parle donc le niveau européen, donc, et donc le niveau Liga, en fait. Est-ce que tu peux jouer peut-être très bon, je sais pas, au Celta, l'Espagnol, dans des clubs comme ça, mais quelquefois quand tu vas à Valence, ça marche pas. Pablo Piatti, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce petit joueur, moi, mais il n'avait pas le niveau pour Valence, alors qu'il a eu il a fait de bons matchs, mais au final, il était plus fait pour Almeria, Pablo Piatti. Il avait une bonne saison et une mauvaise saison. Voilà, et il fait pareil à l'Espagnol, d'ailleurs. Et oui, donc voilà, malheureusement, des joueurs très irréguliers comme ça qui, sont, quand ils vont dans un club comme Valence, en fait, ils savent où se situer, en fait, dans l'échelle. Et voilà, donc ça, pour certains comme des Ruben Badaja, des Marchena, ça a très bien marché parce que c'était le niveau qu'ils pouvaient avoir. Donc ils l'ont travaillé, ils ont fait dans la durée, ils sont restés là parce que c'était un club qui leur donnait un certain niveau, ils jouaient l'Europe, mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas aller plus haut. Donc voilà. Quand tu parles des joueurs, genre Michel, je me rappelle plus de ce joueur, figure-toi. Et t'as raison. Et dans les joueurs, il y a des joueurs qui ont été lancés très récemment, notamment sous Gary Neville. Wilfried Zaïbo, Fran Villalba, Tropi, Eugeni, et finalement Tropi est porté disparu, je ne sais plus, il était à Alcorcon, mais je ne sais pas où il est là. Wilfried Zaïbo est parti aux États-Unis. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Eugeni, qui est avec Albacete, mais qui est déjà plus âgé, il a 28 ans. Eugeni, il a 29, même 30 ans déjà, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait été recruté pour monter le Mestalla en deuxième division. Et là, il peut monter en Liga avec Albacete cette année. Et Fran Villalba, pour l'instant, on attend de voir ce que donne Fran Villalba. Mais... Donc, il joue à Huelva, Carlos Tropi, maintenant. Ah, ok. Et Huelva, c'est tout en bas maintenant. Et Fran Villalba, qui joue à Numancia, qui est titulaire, qui est un des meilleurs passeurs du championnat cette année, qui a 20 ans. Peut-être que lui, c'est peut-être le seul qui pourra revenir au club un jour. Fran Villalba, il a fait l'objet de pas mal de discussions, mais on a souvent parlé ensemble en plus, François. Ouais. Il a été lancé trop tôt en équipe A, parce qu'il était très bon. Neville l'a mis parce qu'il était très bon en sortie. Hein. Le problème, c'est qu'après, il n'avait pas sa place en équipe première parce qu'il était beaucoup trop jeune, physiquement, il n'était pas prêt. Et ce mec est devenu après. Donc, Michel Campos a fait l'interview à Valencia Sport, journaliste de Tribunal Deportiva, qui explique en fait ce qui s'est passé avec. Sur le site de Valencia Sport, il explique qu'est-ce qui s'est passé avec Fran Villalba, c'est-à-dire qu'il a été lancé trop tôt, trop haut. Et après, le mec est devenu, il était même pas titulaire avec le Mestalla. Donc, en fait, il est arrivé chez Léa quand il a également été signé par le quand il est arrivé dans le Mestalla. Donc, forcément, il y a un truc qui allait pas. On a sorti des équipes de jeunes pour aller directement chez Léa, jouer un match de coupe. Et forcément, le mec, il pensait qu'à ça. Donc, forcément, après, le contre-coup psychologique est très fort. Donc, voilà, il a fait la bonne décision. Il est parti se faire comme joueur ailleurs. Et ça marche parce que c'est maintenant de meilleurs joueurs dans son équipe. Et Valence, oui, envisage de le récupérer la saison prochaine. D'ailleurs, c'est pour ça que Marcelino ne crame pas Kang In Lee. Oui. Parce que là, le dernier match qu'il a fait, c'était contre le Celtic à Mestalla. Il a joué, il a fait la fin de match. J'étais au stade, donc il est très très très fort, je trouve. Moi, j'ai vu son premier match avec le trophée en allant en début de saison. Il marque de la tête. Il n'est pas très grand, mais il est très bon de la tête. Il y a des attentes autour de ce joueur. Tout le stade était fou de le voir. Il peut jouer dans l'axe. Là, il est plutôt sur un côté, mais il peut jouer dans l'axe. Il était très bon contre Rétafé. Il fait les deux avant-dernières passes. Grâce à lui. D'abord, il fait une ouverture vers Gaïa, je crois. Non, vers Lato, pardon. Il centre pour Rodrigo. Et je ne sais plus du tout qui centre pour Rodrigo. Et sur le but du 3-1, en fait, dans le temps additionnel, donc Rétafé peut marquer. Il se rate, il se tire dessus. Donc contre, et Kang In Lee, en fait, qui fait la passe pour Gamero qui centre pour Rodrigo. Ouais, voilà, la passe est incroyable. Et surtout, il demande le ballon, il n'a pas peur. C'est ce qui est très fort avec lui, c'est que c'est un très bon joueur de foot. Enfin, tous ceux qui l'ont vu jouer avec le Mestalla, même ou avec les juveniles en Ligue des Champions, des jeunes, là, l'ont dit, ce mec, le voir en vrai, c'est quelque chose, parce qu'il a une technique qui est absolument monstrueuse pour son âge. Il a été en avance tout son parcours chez les jeunes, en fait, il a tout le temps été en avance, tout le temps surclassé. Et même techniquement, en fait, il a la technique d'un mec de 23-24 ans déjà. Il est très, très, très, très fort. Et voilà, c'est pas une histoire de le survendre Kang In Lee aujourd'hui, c'est que ce petit est très fort. Et si Valence est en finale de Coupe du Roi aujourd'hui, ben c'est grâce à lui. Hein. Ouais. Et puis, Valence, il a mis beaucoup sur lui et avec des contrats en Corée du Sud. Alors, Corée du Sud, c'est un pays très riche. Et surtout au niveau haute technologie et tout ça, ils ont Samsung, ils ont notamment LG. Et donc, ils ont signé avec LG, oui, comme son. Donc, c'est uniquement parce qu'ils ont Kang In Lee. Donc, Kang In Lee est très important, il ne partira pas. Je pense que lui veut rester aussi. Si vous allez sur le site de Valence, sur la boutique de Valence, quelquefois, vous avez des objets qui sont mis en valeur. Et maintenant, Kang In Lee, le maillot de Kang In Lee, bah, quelquefois, il peut vous apparaître... dans des pubs là qui disparaissent là, mais maintenant il apparaît, donc c'est devenu aussi un objet marketing pour le club, hein, pour la boutique en ligne. C'est le maillot de Kang In Lee, bah, il est disponible et vous pouvez l'acheter. Et je pense aussi qu'il sera pas, s'il est prêté, je pense qu'il sera prêté dans un club vraiment de confiance et pas ailleurs. Et mais moi je pense personnellement qu'il ne sera pas prêté, qu'il sera totalement intégré à la dynamique de l'équipe à l'année prochaine, mais avec un temps de jeu évidemment vu à la hausse. Et voilà, mais je pense que le club va demander à Marcinho de l'intégrer totalement dans l'équipe. Là, c'est assez frustrant parce qu'on sait qu'il est très bon, qu'il pourrait apporter un peu de folie et qu'en Valence a du mal à marquer face à des équipes repliées comme Rétafé hier. On s'est dit qu'on pourrait se dire qu'un mec comme Kang In Lee, c'est la solution, c'est le mec qui va se faire la bonne passe au bon moment qui va permettre à Valence de marquer face à des équipes regroupées. Et je pense que Marcinho le protège un peu comme il a fait avec Ferran Torres la saison dernière. Ferran Torres, il a été aussi mis en équipe A l'an dernier au même créneau en janvier après avoir signé un contrat pro. Il a fait des apparitions sporadiques, hein, et, au point de se dire est-ce qu'il a le niveau. Donc finalement le niveau il l'a, hein, Ferran Torres. Donc voilà, donc il faut le gérer physiquement. Les exigences du très haut niveau ne sont pas les mêmes que Mestalla ou chez les jeunes, c'est pas du tout la même chose. Donc encaisser les charges de travail physique pour un mec de 18 ans, bah, c'est pas pareil. Le rythme en match aussi, c'est pas pareil. Donc, moi, je comprends d'un côté pourquoi il le prend pas à chaque convocation, pourquoi il lui donne du temps de jeu vraiment, vraiment choisi. C'est parce qu'il est obligé, parce que Kang In Lee, il a 18 ans et qu'aujourd'hui, il est pas encore physiquement apte à jouer sur la durée avec Valence. Mais quand il aura fait une préparation physique, je pense, complète, avec l'équipe A, je pense qu'il pourra avoir un temps de jeu plus conséquent et je pense que ça va arriver la saison prochaine. D'ailleurs, Valence, au niveau des 50, là, c'est, même si le Mestalla n'est pas terrible, tu peux quand même te dire que ces trois dernières années, tu as eu Soler, Falantol et Kang In Lee. C'est t'as quand même un crack qui sort tous les ans, pour l'instant, pour les premières années. Donc c'est quand même. Il y a bien quelque chose de positif à retenir de Valence depuis 10, 15, 20 ans. C'est bien le centre de formation. Le centre de formation, il a toujours sorti des mecs. Et si ce n'est pas des mecs qui jouent en Liga, ce sont des mecs qui vont peut-être jouer professionnel en deuxième division. Ou alors peut-être aller tenter un coup à l'étranger, mais c'est un club qui forme des bons joueurs, qui forme des joueurs en tout cas professionnels, peu importe le niveau après. C'est un club qui forme et qui lance des joueurs qui sont amenés à être pro, donc c'est important. Et là, les petits jeunes qui arrivent aussi, là, qui sont en équipe B, là, parce que maintenant le Mestalla, c'est devenu on va dire l'équipe où on met tous les jeunes, tous les meilleurs jeunes formés au club maintenant. Et il y en a pas mal, hein. Guillamon notamment, Alex Blanco qui a été prêté à l'Aves là, mais qui est très bon. Saint-Elias. Il y a Saint-Elias aussi derrière, qui sera le futur, probablement prêté, je pense, l'an prochain, mais c'est le nouveau arrière gauche qui va arriver. Ouais, après le futur Lato. Vous savez qu'au niveau côté gauche, c'est incroyable la réussite qu'il y a à Valence. Alba, Bernat. Il faut quand même se dire que les trois latéraux qui ont été pris par Lucien Riquet, les trois sont formés à Valence. Oui, ouais, c'est vrai. Donc. Voilà, puis là, cette année, il y a beaucoup de cantelas. Il y a Benjamin, il y a Jérôme Domenech. J'adore. Jérôme Red Bull Domenech. Lato, Gaïa, qui sont tous les deux qui jouent au poste latéral gauche. Ferran, il y a Carlos Soler, il y a Kangin Lee. J'en oublie un. Il n'y a pas, oui, Javier Jiménez, est-ce qu'on peut le considérer comme membre de la part entière de l'équipe? Pas encore, mais. Non, parce qu'il n'est pas. Puis il s'est blessé au genou gravement les deux saisons. Donc, ouais, en plus, il a eu des soucis à nouveau avec ce genou gauche là. Il a été repéré il n'y a pas trop longtemps, donc ça fait que deux saisons, il est sur le carreau. Là, tu te rappelles de Carlos Delgado? Oui, il a joué contre Lille en Ligue des Champions, je m'en souviens. Exactement, et lui était très très fort aussi, mais il a eu beaucoup de blessures et il joue en D2, je ne sais plus. Ouais, quelquefois, non, je pense que Jiménez, le mieux quand il sera totalement remis, c'est d'aller tenter aussi un petit prêt dans un club, deuxième division, je pense, un truc comme ça. De redevenir en fait un footballeur à part entière, en fait, avant de peut-être de revenir à Valence et de s'imposer. Je pense que c'est le mieux pour lui maintenant, mais déjà, c'est de revenir physiquement, de redevenir un vrai athlète, en fait, parce que je pense que c'est déjà le principal pour lui, quoi. Et puis, au poste de gardien de but, il y a Sivera qui est à la. Qui est à l'Aves. Donc, il est à l'Aves avec une clause de rachat. Et il y a le gardien du Mestalla, il y a aussi, qui est, je ne me rappelle plus de son nom, qui est en équipe moins de 19, je crois, au moins de. Moins, enfin, dans un U quelque chose. Pas moins de 19, mais. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais, Christian Ribeiro. Comment? Christian Ribeiro. Oui, c'est ça. Qui était hier dans l'équipe, hein, parce que Neto était absent, il était blessé. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais oui, voilà. Donc il était gardien remplaçant hier sur le banc. Donc voilà. On passe au milieu de terrain. Albelda, tu en as parlé tout à l'heure, Alex. Bon, bah voilà, hein, le capitaine. Il a eu un petit ressentiment avec lui parce qu'il a failli faire couler le club en allant au prud'homme pour faire payer Koeman. Il a dit il n'y a pas longtemps qu'il a dit ça à la Cadena Ser, parce que la Cadena Ser a fait des podcasts pour les 100 ans du club. Oui, avec Fran Guaita. Avec Fran Guaita. Et il a dit qu'il a émis des regrets, en fait. Hein, il a dit que si j'avais pu trouver une autre solution pour ne pas envoyer le club au tribunal, ben, je l'aurais fait. Bon, voilà, maintenant c'est trop tard. Hein, mais voilà, il s'est quand même confessé. Il a dit voilà, le club était allé loin avec moi, enfin, en tout cas, Koeman, mais moi. J'étais un peu épidermique dans ma réaction en fait. Ouais, enfin, voilà. Ça, c'est le chapitre 100 d'ailleurs des 100 podcasts de la Cadena Ser. C'est celui qui est sorti aujourd'hui. À côté de lui, il est basque, il portait le numéro 6, Gaizka Mendieta. Ouais. Alors j'aurais mis Balakh, hein, j'aurais fait comme toi, hein, j'ai fait l'inverse. Du coup, ouais, Gaizka Mendieta, rien que pour le but qu'il met en finale de coupe contre l'Atlético. Et aussi sa longévité, parce qu'il part en 2001 à la Lazio, là, pour un chiffre record qui n'a toujours pas été payé par la Lazio, là où on parle. Et, oui, l'air Cragnotti, la grande air Cragnotti. Oui, il est arrivé en 92 à Valence. En fait, Mendieta, il a fait quasiment une décennie à Valence, en fait, mais le club l'a eu très jeune, puis il est devenu le joueur qu'il est devenu. Mais voilà, enfin, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au début des années 90, Mendieta était déjà à Valence. Il a débuté sa carrière là-bas. Enfin, en tout cas, c'est son premier gros club à Mendieta. Et voilà, il a fait quasiment une décennie là-bas. Et donc voilà, donc, voir partir, forcément aussi, c'est un déchirement parce que C'est aussi un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon équipe type, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais forcément, moi, je pense encore à son départ et je me dis que il a aussi loupé un truc bien parce que moi, je pense que même s'il n'était pas, même en restant, ils auraient pu faire quelque chose après et, avec Benitez et Mendieta. Je pense qu'il est passé à côté de deux titres de champion avec Valence, en tout cas. C'est d'ailleurs sa saison marquante, c'est avec le Barça. Il fait une saison au Barça. Fait la saison à la Joy, il revient au Barça. Et je crois qu'il marque notamment, il y a un match 2003, il y a un Valence-Barça qui est important pour la Ligue des Champions. Et le Barça gagne 3-1, je crois. Et je crois qu'il marque ce soir-là en plus, Mendieta. Enfin, c'était une soirée horrible parce qu'après Valence perd la Ligue des Champions la dernière journée. Finit 5e, donc, et Celta va en Ligue des Champions la dernière journée. Je mets Mendieta parce que pour parler des Basques de Valencia, parce qu'il y a beaucoup de Basques qui ont réussi au club, bah, notamment Mundo Suárez, qui était de San Sebastián, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. Ouais. Dans les années 40, c'est le pilier de la delantera eléctrica. Alors, de mémoire, il y a Epi, il y a lui, il y a Mundo Suárez, Asensi, Amadeo et Golostiza qui est basque, notre basque aussi, et le gardien de but est Ignacio Izaguirre qui était basque. Il est mort en 2013, c'était le dernier, je crois, de la première équipe de champion. Je crois que c'était la coupe, c'était 41. Oui, c'était 41 et il y avait eu une soirée, un débat avec la fille de Mundo Suárez pour parler de la première équipe, l'équipe électrique, qui avait remporté les premiers titres nationaux du club. Et toute la décennie 40, c'est vraiment une décennie blanc-qui-nègre. Et vraiment, ils gagnent. Ouais, c'est la seule période où Valence avait dominé la Liga. Quoi. 42, 44, 47, c'est les trois premiers titres de champion. Il n'y en a eu que trois après, 71, 2002, 2004. Et voilà, donc c'est la seule période où Valence a dominé le foot espagnol. C'était Agmundo et ces mecs-là. Quoi. Donc, voilà. Après, dans les Basques de la Navarre, mais j'ai un petit trou, mais c'est vrai que ces joueurs-là, le Pays Basque a toujours une influence notoire. Les derniers qui sont passés, il y a Doris, bon, il a fait que deux saisons. Même dans les coachs, on peut citer Valverde et Unai Emery. Unai Emery aussi, oui. Voilà, à Doris, ça a pas marché, mais bon, malgré tout. On va dire qu'il a fait le taf. En tout cas, c'est un mec très professionnel, donc. Il a fait le taf sportivement, en tout cas. Il me rendait fou, Doris. Il me rendait complètement dingue parce qu'il est vraiment très fort. Mais après, quand il a signé à l'Athletic et que tu vois qu'il marquait toutes les semaines. Ouais, en fait, j'avais l'impression que même le contexte Valence en fait, était peut-être un peu trop pour lui et qu'au final, il était dans un contexte où il était mieux, comme à Bilbao, il se sentait bien. Ben, c'est là qu'il a donné son meilleur niveau en fait. Il était aussi pas mal, avant d'aller à Valence, il était à Mallorca aussi, il était pas mal à Mallorca. Il était très bon à Mallorca. Et voilà. Et dans les Basques qui n'ont pas trop marché à Valence, Asier Delorno. Ah oui, Asier Delorno, c'est Carboni qui se fait avoir par José Mourinho, parce qu'à l'époque, il joue à Chelsea. Et il lui fait, je peux le prendre. Ouais, vas-y, c'est un crack. Il l'achète une blinde. Il arrivait blessé. En fait, il traînait un souci au genou, je crois. Et il n'a jamais totalement récupéré de ce souci. Il a fini à Levante d'ailleurs. Et voilà, donc c'était un des achats les plus catastrophiques de l'ère Carboni, même de l'histoire du club, parce qu'il a été acheté assez cher et finalement il a rien apporté parce qu'il a fini doublure et il a fini doublure derrière Moretti, donc c'est dire si le niveau n'était pas très haut. Quoi, donc, si cela a été mauvais, oui. Oui, c'est la deuxième époque, Ranieri, c'est 2004. Et non, il est acheté en 2006, il me semble. 2006. Il est acheté en 2006. Parce que quand Carboni passe DS. Ah, en fait. Je pensais à Moretti. Moretti, ouais, il l'a acheté en 2004. Ouais. C'est censé être le remplaçant, le Carboni numéro 2, mais qui n'a jamais été Carboni en tout cas. Il y avait Moretti, Fiore, Di Vaio et. Di Vaio, Corradi, qui était toujours hors jeu. Corradi, voilà. Ah, Fiore et Corradi, c'était des légendes. Fiore, bon, c'était très neutre, mais Di Vaio, moyen, on va dire. Mais Corradi, par exemple, c'était le joueur qui avait signé, je pense, une des meilleures saisons de sa carrière à la Lazio juste avant. Et avec Valence, en fait, c'était genre entre 5 et 10 hors-jeux par match. C'était, Je crois que Corradi et Fiore étaient quand même très axés sur le côté. Comment dire ça poliment. Ils préféraient les sports en duo. Voilà, ils étaient, voilà, on sait que voilà, ils étaient très portés sur la jambe féminine. Donc du coup, Fioré, le souvenir que j'ai de lui, c'est un très beau but du gauche au Camp Nou face au Barça, et c'est tout. Une intermédiaire aussi, je crois. Un but, et voilà, et un très beau but au Camp Nou face au Barça, il y a un partout, je crois. Corradi, rien du tout, parce que c'était que des hors-jeux. Et Divayo, il a marqué quelques buts quand même. On va dire que c'était moyen bon, Divayo. Ah, attends, j'ai posé une colle à Benjamin, s'il est toujours là, s'il est pas mort. Je suis là. Alors, il y a un très grand joueur italien que tout le monde connaît. Enfin, que tout le monde connaît. Que les gens qui suivent un peu le foot connaissent, qui a joué à Valence et qui a joué une saison et qui n'a jamais performé. Et qui est une légende dans un autre club italien. Pourquoi tu me fais des frayeurs comme ça? Alors, tu veux un autre indice? Alors, je vais dire communiste. Aide-moi. C'est Cristiano Lucarelli. Ah. Qui a joué une saison. Il était si nul que ça, Valence? C'est pas qu'il était énorme, mais bon, voilà, c'était pas chez toi, quoi. C'est différent comme ambiance de Libourne, quoi. C'est pas le même délire. Mais c'est vrai que je l'ai appris il y a pas très longtemps. Je l'ai appris, il y a quelques années quand même, mais je l'ai appris par hasard. Donc là, aujourd'hui, par hasard, j'ai appris que Borja Iglesias avait été capitaine dans les équipes de jeunes de Valence. Il a été formé là-bas. Il a fait 2006-2010 là-bas et il a été capitaine. Ouais. Et aujourd'hui, il a posté une photo de lui avec le maillot de 2008. Il était capitaine à l'époque des jeunes. Ouais. Exactement. Il a mal bourlingué, lui, avant d'arriver en Liga. Exactement. Alors il y a des parcours un peu spéciaux. Il a eu un peu spécial. Mais c'est, en tout cas, c'est devenu un bon joueur en tout cas aujourd'hui. Donc tant mieux pour lui. Hein. Alors, milieu de terrain, un de mes joueurs préférés, Goran Vlahovic, j'ai mis côté droit, le croate, voilà, le premier joueur que j'ai adoré quand j'étais gamin, joueur, bon, les croates, ils ont un truc en plus, hein, déjà, et puis au plus 96, après il y a le mondial 98, mais tout le bassin des Balkans, c'est des talents, la célébration contre l'Allemagne, voilà, c'est un joueur que, il a pas, avec le recul, je le vois plus grand que ce qu'il a été, mais bon, plus moi j'ai continué à suivre Panathinaikos et tout ça parce qu'il a fait des signes en Grèce. Mais j'adorais ce joueur. Mais je crois que l'équipe en plus c'était que de 98 avec la Croatie. Il n'était pas titulaire parce qu'il y avait. Faut me raconter que le foot c'est mieux maintenant. Hein. C'est pas vrai. Hein. Je vous jure que c'est pas vrai. L'équipe de Croatie de 98, elle aurait rétamé n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde 2018. Hein. Alors là. Boban, Asanovic, Vlahovic, Suker. Et Boksik était blessé, il n'était pas là en plus. Hein, Boksik, Prosineki, allez, accrochez-vous les amis. Ah non, c'était. Quelle équipe de fou. Boksik était blessé, il n'était pas à la Coupe du Monde. Il était à l'Euro 96, Coupe du Monde 2002, mais il n'était pas à la. Boksik, il était blessé pour la Coupe du Monde 98. Je me demande si j'ai pas sur le Boksik. Non, il était à l'Euro 96 et la Coupe du Monde 2002. Prosineki était, ça c'est sûr. Pour une équipe, était oui, ça c'est sûr. De l'autre côté, côté gauche, Kili Gonzalez, évidemment. Joueur, lui vraiment le. Alors lui encore quelqu'un qui était fait pour Valence. Prototype même en fait du joueur à caractère en fait. C'est ça, voilà. C'était gaucher, enfin vraiment il avait, enfin vraiment c'est le. Tu dis lui il est d'ici quoi. C'était incroyable. Photo iconique toujours avec finale de 2001, c'est quand il tient tête aussi à Oliver Kahn, enfin en tête contre tête avec Oliver Kahn. Voilà, enfin c'était pas le genre de mec qui faisait chier en fait, Kili Gonzalez. Luis Enrique l'a poussé à partir parce qu'il était titulaire indiscutable et puis après quand Luis Enrique est arrivé, monté en régime. Kili Gonzalez, malheureusement, est devenu remplaçant et du coup, il est parti à l'Inter à l'été 2003. Ouais. Non, et puis, il avait. Oui, il avait été acclamé par. C'est lui qui a fait le discours de l'équipe en 2003 au Nalanja, d'ailleurs. Il y avait une panelada, d'ailleurs, ce jour-là, pour Jaume Orti. Et même déjà, quand tu gagnes la Liga 2002, ça râlait déjà. Et à la fin de saison, tu avais gagné la Liga. Donc, Valence, c'est toujours très particulier. Mais là, récemment, il a fait, voilà, il expliquait que rien n'était plus au Valence. Et quand tu joues pour Valence, il faut tout donner. Et voilà, les supporters l'adorent. Encore une fois, avant de libérer Benjamin, l'attaque, Claudio Lopez, évidemment, je ne peux pas passer à côté. Et un autre qui est beaucoup moins, qui est très connu, mais qui a beaucoup, qui n'a pas marché du tout à Valence, c'est Romario. C'est vrai qu'il a joué à Valence, ouais. Ouais, il a joué à Valence et je vais le voir justement quand il joue contre Flamengo, c'est son ancien club. Et il est parti la veille du match. Il a fait la demi et pas la finale. Donc lui aussi pour des raisons conjugales ou extra-conjugales apparemment. Mais j'adorais ce joueur quand j'étais, c'est mon premier idole en 94, donc 96, je peux enfin le voir. Et non, c'est le maillot Ford pour ceux qui se, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et voilà Romario. Mais il fait pas 2 ans, enfin il fait pas deux débuts de saison au Mario à Valence. Ouais, il fait deux débuts de saison. Ouais. Il est resté moins de 3 mois, la deuxième fois, 96. Il est resté moins de 3 mois. Même, je crois même 55 jours, enfin vraiment Il a un joué truc. dans 65 clubs au Mario de façon, c'est. Ah ouais, mais à Valence, ça l'a jamais fait. Alors que, du coup, il a pas suivi les pas de Valdo, donc il est décédé il y a 2 ou 3 semaines. Ouais, il Qui s'est était un fait peu tirer. l'histoire du club en Coupe d'Europe. C'est Un joueur. le premier buteur ouais, de l'histoire de Valence. Ouais. Ouais, et mort de la maladie d'Alzheimer, le club l'a beaucoup soutenu. Voilà, et c'était très respecté de l'aficion. Donc, C'est la nuit qui a sorti son maillot pour la finale. oui, c'est ça, c'est Palero qui a montré le maillot. Le fameux. Exactement. Exactement. Et voilà, lui aussi fait partie d'une grande époque du club. Non, c'est pas la Liga 71. C'est pas avant. Je crois pas. Non, non, je dois me tromper. Valdo, non, c'est avant. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est avant, c'est Il avant. part en 69, il me semblait. Oui, c'est ça. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait raconter sur Valence à Coupe des Football. Après, évidemment, Valence, ça C'est riche. c'est du bar. Alors, le Bar Torino, évidemment, en mars 1919, C'est il y a une plaque. le lieu où l'acte de fondation du club a été signé, en fait. Voilà, c'est pendant les Falias, qui est un festival culturel en Espagne. Là, vous pouvez voir toutes les mascletas, les tracas. C'est le pays des feux d'artifice et des pétards. Ouais. Donc là, jusqu'à la nuit del Foc, qui va être, je crois, c'est le 21. Voilà, c'est le patrimoine de l'UNESCO depuis 2 ans. Maintenant, il y a 1 million de personnes dans les rues à Valence. Et alors, en plus, là, les images sont. Ça fait un peu mal de voir les images là où j'étais. Là, j'étais pas. C'est un peu. Ça m'a fait marronner. Il y avait les offrandes à la Vierge. Los Desamparados, aujourd'hui, c'est une grande, comment dire, pas un épouvantail, mais c'est une sorte de structure en bois à l'effigie de la Vierge, et donc toutes les sociétés falliées là viennent déposer des fleurs en hommage, et donc le club le fait aussi en début de saison, et aussi une offrande en début de saison. Voilà, c'est la culture de la contre-attaque, de la défense, le 4-4-2 représente très bien ça d'ailleurs, je trouve. Voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est pas gagner souvent, mais profiter de la victoire quand elle arrive, c'est se battre, c'est se relever, c'est tomber, toujours se relever. Voilà, genre de choses là. Quand Valence joue en mettant des coups et qu'on dit ah, c'est pas du football, c'est le football qu'on a chez nous quoi. Il y en a, c'est sur des passes, c'est sur une touche de balle, c'est faire des trucs. Voilà, bah, nous, bah, Valence, c'est en fait, c'est les deux. En fait, c'est être un peu dur quelquefois et être sublime. et aussi faire du beau football aussi. Ça a toujours été un mélange des deux, en fait. Même quand ils ont gagné au début des années 2000, en fait, c'était les deux. En fait, il y avait un mélange des deux. Il y avait la force physique, en fait, et puis l'impact. Et puis il y avait aussi après la touche de rapidité technique à Vicente, Aymar. Enfin, il y avait un peu de tout. C'était un mélange de plusieurs footballs et ça a très bien marché. Et voilà. Puis aujourd'hui, c'est plus ou moins en fait les mêmes ingrédients qui sont mis. Hein. C'est une défense. Voilà, c'est une équipe qui défend très bas, peut-être quelquefois un peu trop parce qu'elle sait faire un peu plus. Et après, voilà, c'est la petite touche technique de rapidité avec Guedes, avec Rodrigo. Enfin, voilà, c'est un peu les mêmes ingrédients qui sont mis aujourd'hui, hein, pour gagner. Et aujourd'hui, bah, ça marche parce qu'ils vont rejouer une finale en 15 ans après la dernière. Ils ont peut-être, alors il a les montées en niveau, mais ils ont peut-être un coup à jouer en Ligue Europa. On verra comment ça va se passer. Il y aura quoi, deux matchs retour en quart et potentiellement en demi face à donc Villarreal puis Napoli ou Arsenal. Retour à Mestalla, donc on va dire des petits signes qui peuvent te dire y a un coup à faire et au moins jouer une finale en Europe. Et voilà, donc voilà, c'est un peu ça quoi. C'est un mélange entre être rugueux mais aussi du beau football, quoi. Voilà, il y a les joueurs pour, en tout cas. Il y a eu les joueurs pour et il y a les joueurs pour, en tout cas, aujourd'hui. Et puis voilà, Valencia, c'est aussi Mestalla, ce stade incroyable. On verra ce qu'adviendra du nouveau Mestalla, qui pourrait redistribuer les cartes, j'espère, si jamais Le vieux Mestalla devait être abandonné pour donner plus de place aux supporters, avoir deux virages et pas un seul petit finalement. Le C'est vrai retour des que Tifosi, ça serait quand même une très bonne idée de la part du club. C'est pas parti pour, mais ça serait quand même une excellente idée. Juste pour terminer, un entraîneur, tu prendrais qui toi, des entraîneurs récents? entraîneur récent, je prendrais Ranieri parce que c'est avec lui que tout a commencé en fait. C'est avec lui que le club est revenu vraiment à un niveau assez élevé, qui est revenu en Europe, qui a regagné un titre. C'est lui qui a insufflé aussi ce qu'est Valence aujourd'hui et pourquoi Valence a besoin de certains ingrédients pour être bon, notamment défendre. Il a mis une culture italienne en fait dans tout ça. Et c'est aussi pourquoi Ayala a marché, parce qu'Ayala c'est un défenseur qui s'est fait en Italie en fait, qui est devenu le joueur qu'il est en Italie. C'est ça que ça a collé, parce que le football italien en fait a un peu paramétré ce Valence-là moderne qui gagne. C'est l'équipe qui attend, qui défend bien, qui contre, et voilà. On va pas tomber dans des clichés par rapport à l'Italie, mais bon, l'Italie a souvent joué comme ça. Et voilà, Ranieri c'est le mec qui a donné cette petite touche en fait, qui a mis une patte en fait à cette équipe. Donc pour moi il est important. Voilà, donc même si son deuxième passage n'a pas marché, le premier a été très important, parce qu'après les mecs qui ont pris la suite, Cooper et Benitez dans d'autres circonstances, ont gardé cet état d'esprit qu'il avait insufflé, c'est-à-dire d'avoir une base solide et après d'avoir des mecs capables d'exploser tout ça, quoi. Alors moi au niveau alors si ça avait été historique j'aurais peut-être dit Stefano Ouais. pour la Recopa et la Super Coupe avec Kempes notamment Kempes à Aliart C'est vrai qu'on ne parle pas trop. gardien extrêmement important dans l'histoire du club de Valence qui est surnommé El Mudo. C'est vrai que je l'ai eu en interview au Sampel et il est compliqué c'est difficile de parler avec lui mais voilà après bon il y a eu des grands coachs hein, il y a eu Hiddink, il y a eu Hiddink Aragonés. aussi, début des années 90, ouais. Ah, il y a eu Aragonès aussi, qui, je crois, 95-96, il fumait quand même pompier sur. Si vous avez les images, plus Ouais. personne ne hein, mais Aragonès, il avait le droit de fumer sur le terrain. Après, au niveau de ceux que j'ai vus, niveau du jeu, je vais dire Cooper, Hector Cooper, parce que malgré les défaites en finale, Coupe, cette époque-là, c'était quelque chose. Puis au niveau de celui qui a concrétisé ça, évidemment, Rafa Benitez, qui lui, quand il revient, il y avait banderole quand il est revenu avec le Real. C'est après ce match-là où il est viré du Real d'ailleurs. Mais oui. Et puis savoir un truc sur Benitez aussi, c'est que Valence, un des points clés de tous ses succès avec Benitez, c'est notamment la remontée face à l'Espagnol. Ils étaient menés 2-0, ils gagnent 3-2, notamment avec un but de Ruben Baraja. Et en fait, il faut savoir que Benitez était condamné avant ce match. Hein. C'était fin 2001 ce match. Il était condamné, Benitez. Hein. Le club allait le virer. C'était fait. Lui, il ne savait pas. Il allait coacher son dernier match, mais il ne savait pas qu'il allait être viré. Tout était fait pour qu'il soit viré. Et en fait, Valence est au fond du trou, puis il gagne ce match. Et puis ce match, en fait, c'est le point de déclic psychologique à tout le reste, en fait. Et voilà, donc il faut savoir que Benitez, en fait, aurait dû être viré fin 2001, parce que après un bon début de saison, ils étaient complètement plongés. Et voilà, donc tout ça n'a failli jamais arriver, en fait. Ouais, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé avec le but de Piccini contre Huesca. Jamais. Qui C'est sait toujours si la le dupe. Piccini va être le nouveau Ruben Baraja, ce serait Un seulement OK. peu mal quand même. Mais non, mais en plus. Après, c'est vrai que Ben Diaz c'était plus sur un siège éjectable parce qu'il n'avait pas le pedigree de Marcelino. Il était passé par Tenerife, Extremadura. Là, c'était pas non plus. Oui, c'était plus l'entraîneur test en fait. Voilà, C'était c'est ça. l'entraîneur qui a fait monter un club en première division. Il était un peu à la mode. C'est aussi un mec qui vient du Real, Benitez. C'est un mec qui est ancré Real Madrid, et du coup bon, il l'avait pris comme ça parce que voilà, c'était l'entraîneur à la mode là-bas en Espagne, et ouais, c'était un bon choix, hein, au final, hein. Ça a été compliqué plusieurs fois pour lui, parce que à chaque saison qu'il a fait, il a fait 3 saisons, il a toujours eu des sifflets, des mouchoirs, il a tout eu, à chaque saison il y a eu le moment où il a eu du public contre lui, hein, première saison, donc c'est fin 2001. Après, la saison d'après, c'est la fin de saison après l'élimination face à l'Inter. Ça explose complètement en Liga, même avant en Liga, ça explose complètement, parce qu'ils voulaient regagner la Ligue des Champions. Donc ils ont tout mis pour la gagner, mais bon, ils sont sortis par l'Inter, et du coup en Liga, ça explose à la fin, de mars à mai, c'est l'explosion totale. Et Benitez, il est en difficulté. Et l'année d'après aussi, Valence est en difficulté en janvier-février aussi, et ça va pas très bien. Après, bon, ils se reprennent, ils vont gagner ils vont faire le doublé, mais il a eu chaque saison, il a eu des points où ça n'allait pas. Donc c'est dire s'il faut être très très très très, très fort mentalement pour réussir là-bas. Et là, pour l'instant, Marcelino, on peut dire que il y a eu le mental. Parce que là, franchement, je pense qu'on était nombreux à vouloir qu'il parte en décembre. Et puis voilà. Moi, je voulais pas spécialement qu'il parte, mais en tout cas, moi, je pensais que les joueurs l'avaient lâché à Riron, en fait. Moi aussi, je pensais vraiment que le match était désastreux et je me suis dit, c'est pas possible. Ils l'ont totalement lâché là, c'est plus possible. Pour le revenir, vous repréparez le siège. Évidemment, nouvel intérim. Et puis finalement, d'ailleurs, Vauroy avait refusé. Oui, mais il a eu raison. Et puis Alemany, qui a aussi misé son mandat sur lui, sur Marcelino, lui aussi il est très fort parce que il a bien compris que ce qui se passait à Valence cette saison, notamment en Liga, il y a 16 matchs nuls là, c'est délirant. C'est jamais arrivé à Marcelino. C'est quand même une saison spéciale. Hein. Valence devrait être quatrième aujourd'hui, hein, mais le problème c'est que en Liga ça passe pas. Bon, on va pas venir dessus trop, mais. Mais il a aussi compris que ce qui se passait en première partie de saison, ça pouvait pas empirer. Donc forcément, l'équipe allait monter en régime. Hein, donc voilà, Alemany l'a compris et voilà. Donc maintenant, ça marche mieux. C'est pas parfait parce que malheureusement, Valence a des petits défauts qui font que voilà. Aujourd'hui, on rejoue très regroupé. Valence, l'équipe est en difficulté pour marquer. Donc il y a des armes pour la faire déjouer. Mais après, on va dire qu'être patient, ça a apporté ses fruits. On saura tout ça dans 2 mois et demi, voir si la saison du centenaire aura été une grande réussite. Déjà, il y a eu des émotions avec la qualification pour la finale. Je pense que moi, je vais prendre un risque, je vais dire qu'elle est réussie parce que se requalifier pour une finale depuis 11 ans, c'est énorme. C'est vraiment c'est énorme. Vrai. Pour moi, les supporters vont regoûter aux joies d'une finale à la fin de saison. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Séville en mode on peut gagner, même si en face, voilà, il y a le Barça de Messi. Mais si, il a bien vu la Marine, apparemment. On va pas se raconter cette histoire. Le Barça de Messi, surtout Messi, en finale, c'est compliqué. Hein. Donc, voilà, moi, les sports de victoire, j'en ai pas beaucoup parce que le Barça n'a pas perdu en finale depuis 2007, depuis face à Séville en Super Coupe d'Europe. Donc, c'est dire la tâche qui est en Valence, mais voilà, avec du cœur et s'ils y croient, tout est possible. Hein. Donc, en tout cas, ils savent jouer ce Barça-là, ils savent le manier. Donc, on verra après ce qui va se passer. Après Messi en face, c'est plus qu'un club, hein, voilà, c'est le slogan du Barça lui tout seul, Messi aujourd'hui, hein, donc on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, le fait de jouer une finale, en tout cas, pour moi, ça donne un peu d'ampleur à la saison. La suite, en tout cas, le club l'a anticipé, ils ont recruté pas mal de jeunes, tout, donc voilà, si le club a pas avec des champions, il y aura plus de départs que prévu l'été prochain, mais ils vont repartir sur un autre cycle, voilà, et. Mais moi, je ne pense pas qu'elle va être ratée parce que je pense qu'au pire, Valence va peut-être récupérer une place en Ligue Europa. Donc, ce n'est pas la Ligue des Champions. Il n'y aura pas le budget Ligue des Champions. Il faudra faire avec des outils un peu moins, moins forts. Mais voilà, mais moi, je préfère que Valence joue une finale cette saison pour une saison qui est importante. Celle du centenaire, c'est très important. On l'a vu aujourd'hui que le centenaire était très important pour les supporters et tous ceux qui aiment ce club. Que finir avec une saison où tu es quatrième, tu vas en Ligue des Champions, mais tu te fais sortir en huitième des deux coupes en fait. Donc, moi je préfère que Valence joue une demi de Ligue Europa et peut-être une finale et une finale de Copa que 4-4e en fait aujourd'hui. Voilà, moi c'est mon choix. Je préfère que Valence joue la Ligue Europa la saison prochaine et puisse se dire tiens, on peut la regagner la saison prochaine cette coupe. 4 ans Ligue des Champions et te retrouver encore en mode. Tu la gagnes, tu vas en Ligue des Champions. Oui, en plus, ça, tu la gagnes, tu vas en Ligue des Champions. Mais je préfère que Valence, en fait, joue une demi déjà et se dise voilà, on est pas si loin que ça, on regoute un peu à l'Europe, on reprend nos marques avec ce groupe-là. Et puis, y revenir un peu plus tard, en fait. C'est ce qui était reproché à Unai Emery d'avoir finalement. Tu vas à Ligue des Champions, tu la joues chaque année, mais t'as pas l'équipe pour faire un truc. Donc, c'est peut-être. Ça vaut mieux. C'est quand même ce qui te procure le plus d'émotions et c'est clair que. Honnêtement, aujourd'hui, les émotions, elles passent par les matchs de coupe. L'affiche de Valence, aujourd'hui, quand il y a match de Liga, elle n'est pas très motivée, on ne va pas se raconter d'histoire. Elle est motivée quand ça compte. Quand ça comptait, c'est face à Retafe, face au Betis. C'est là qu'on a vu le meilleur du public. Et voilà, et puis le quart retour face à Villarreal, on verra le match aller, mais ça va être magnifique à voir, je pense. Et s'il y a une demi face à peut-être au Arsenal de Unai Emery, ça va être génial, quoi. Enfin, ça va être irrespirable, ça va être fabuleux, ça. Même le Napoli, on aura deux superbes matchs. Valence va jouer contre des adversaires qui aiment avoir le ballon, qui aiment jouer. Donc, sportivement, ça peut être pas mal de les jouer aussi, retour à Mestalla. Honnêtement, Valence, ils ont les adversaires, même si c'est difficile, ils ont trois adversaires de haut niveau, parce que Villarreal va mieux. Ils ont quand même trois adversaires qui peuvent manier, en tout cas tactiquement, et ils ont retour chez eux à Mestalla. Il y a un truc à faire, hein. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire cette saison pour aller déjà en demi, et puis après la suite on verra, et peut-être jouer une finale de Coupe d'Europe, ce serait honnêtement jouer deux finales de Coupe cette saison, la saison du centenaire, ce serait vraiment mais génial quoi. Enfin, franchement, et même si tu les perds au final, même si ça fait mal de perdre, rien que le fait d'être en finale, mais c'est un sentiment qui est génial. Donc je pense que Valence doit regoûter déjà à des finales, peut-être les perdre, et puis voilà, reprendre date avec peut-être des succès futurs. Peut-être ça qui serait le mieux pour le club aujourd'hui. C'était un podcast du lundi version XXL, mais évidemment le sujet était XXL, sans faire du Valencia Club de Football, l'un des plus grands clubs d'Espagne, sans chauvinisme aucun, c'est la réalité. Benjamin Bruchet, tu étais plus spectateur qu'acteur ce soir. J'ai écouté, j'en ai pris, j'ai beaucoup appris sur ce club. T'as pris des notes, il y aura un terreau surprise après. Hein. C'est comment on est. Hein. Et voilà, et puis pour dernier message, moi je vois de plus en plus de joueurs qui écrivent des messages sur leurs réseaux sociaux. Mangala, Palop et tout, alors que c'est des joueurs qui ont connu plein d'autres clubs, qui ont vu Palop qui a été très important à Séville, où il a gagné la Ligue Europa deux fois. Et il s'est peut-être plus établi comme joueur à Séville parce qu'à Valence, il était remplaçant. Et là, aujourd'hui, il a écrit son petit message aussi pour le club parce que voilà, c'est un club qui a compté pour lui. Voilà, et puis tous les mecs qui sont passés, même s'ils sont mal partis, comme Alcacer. Et même Alcacer, il a écrit le message pour le club qu'il aime, même s'il est mal parti, même s'il a été maladroit. C'est quand même Valence, ça reste son club, et du coup, ils ont tous écrit des messages aujourd'hui. Et je trouve ça très fort parce que c'est un peu plus qu'un club de foot, en fait. C'est vraiment un endroit, une ville, en fait, qu'on peut pas oublier. Même ceux qui en sont mal partis, même Otamendi, qui est parti un peu par la porte derrière, même lui, il a écrit un petit message aujourd'hui. Donc. Voilà, donc c'est important. Rodrigo De Paul aussi, il est parti un peu, on l'a un peu chassé du club. Et ces mecs-là, malgré tout, ben, aujourd'hui, ils ont écrit des messages pour ce club. Donc, Joao Pereira aussi. Ça veut dire qu'on n'oublie pas. Voilà, Joao Pereira aussi. Ces mecs-là, en fait, certains ont vécu juste quelques mois là-bas, mais ce sont des mecs qui ont aimé passer le temps là-bas, qui ont aimé le contexte d'amour du football qui règne là-bas, en fait. Donc je pense que c'est. Assez symptomatique en fait de ce qu'est le club, ce qu'est Valence comme club aujourd'hui, malgré les problèmes et tout, malgré les régales, ce qui a été crise économique, crise au sommet du club. Voilà, je pense que les mecs n'ont pas oublié les quelques mois ou les années qu'ils ont passé là-bas, et voilà, je trouve que c'est en tout cas un très bon signe, en tout cas pour ce club en fait qui est aujourd'hui centenaire, et c'est quand même assez spécial quand même, hein. Il faut savoir souffrir pour l'aimer, ce club. Voilà. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que Valence, quand on y va, les gens ne connaissent pas trop au début. Et après, ils ne veulent plus en partir. Donc, ouais, j'en sais quelque chose. mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère particulière à Mestalla. Si vous n'êtes jamais allé à Mestalla, allez-y. Même si c'est pour un petit match, il faut comprendre un avant-match là-bas. Si c'était pour un grand match, un match qui compte, vous allez tomber amoureux du club, en fait. Là, c'est ça. Là, les murs tremblent, mais littéralement. Puis surtout, vous pouvez aller chez Manolo avant et après, qui vous vendra ses petites bouteilles dédicacées, là, siglées Manolo Adelbom avec sa grosse caisse. Et après, vous montez au stade et vous allez voir ce que c'est un stade qui aime le foot, qui est exigeant et qui est fou, quoi. Donc voilà. C'est un vieux stade, mais c'est aussi un des plus beau stade, plus beau stade d'Europe et d'Espagne. Il est magnifique, ce stade. Et moi, j'espère que ce nouveau Mestalla, même si le club en a besoin, j'espère qu'il va en partir le plus tard possible, parce que moi, je veux que Valence puisse continuer à avoir quelques belles soirées européennes, notamment dans ce stade, parce que ce sera pas pareil dans le nouveau. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Il faudra que le nouveau Mestalla soit digne de l'ancien. On n'est pas pressé. Voilà, on ne va pas se mentir, on n'est pas pressé. Le stade a 96 ans. Il est de 23. Voilà. Alexandre Coaquil, merci à toi. Ben, merci. Puis on te suit sur Valencia Sport, notamment, quand ça concerne le football espagnol. Et puis des fois, on fait la Liga, puisque tu nous fais de magnifiques prévias. Donc, voilà. Un placer. Et puis on se dit à bientôt. Ben, bonsoir. Bonsoir. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un podcast qui sera, je pense, beaucoup moins long. On parlera de la Rioja et on en parlera de Valence, que le match est à Mestalla. Donc, ce sera contre la Norvège. Donc, que la force de John Carew accompagne votre semaine. Et puis, on se dit à lundi prochain. Allez, hasta luego. Ciao. Adeu. Yamut.